Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios Young Media et de nos barbes des séries, c'est l'épisode 13 de la saison 2013-2014 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, Jean-François Cromp, le numéro 21, David Thibodeau, le numéro 7, Martin Véro et le numéro 98, Alex Galipo. Hey! C'est-tu clenché, non? Ben là, rendu à l'épisode 13, le monde, on se peut le savoir. Ouais, quels sont nos noms? Non. Chris, il le répète pendant 82 games. Quand c'est une, ben, pas 82. L'alignement de départ de ce soir. Ouais, c'est ça. 82 jamais, podcasts. Même pas. Oh, Canadien! 82 podcasts. Un podcast par soir. Ben, par game. Genre. Bonsoir, messieurs, et bienvenue en deuxième ronde des playoffs contre les Bruins de Boston. Oh yeah! Bienvenue, les gars. Les fucking Bruins. Ouais, les Big Bad Bruins. Et le podcast de ce soir sera consacré aux quatre premiers matchs de la série canadien Bruins. Parce que hier, ça a été la défaite 1-0 en prolongation. Ouais. With the bad bounce. Avec Matt Fraser. The bad bounce. The bad bounce. Quelle belle game de marde. Ouais, t'es bonne. Ben, c'était bon, mauvaise game. C'était ça jouait serré. Ben, là, défaite de marde. C'était un petit garbage goal. On y reviendra en première. Pour ceux qui nous écoutent live, vous avez droit aujourd'hui en background au match Canadien-Bruins du 10 mai 1979. Septième match. Septième match, demi-finale de la Coupe Stanley. Qu'on va gagner cause Don Cherry et Too Many Men on the Ice. Tu gâches la magie, Alex. Le gros punch. Puis, everybody knows. L'envers sur la glace. Et puis, check Wikipédia. Everybody knows. Ah, mais ça finit, ça, c'est un but de la fleur, ça. Ça finit sur un but de l'envers. Traverse. Ah, l'envers, c'est ça. La fleur va, la fleur, va, comme, va faire l'égalité. Un fameux but. Tu passes de la fleur, puis non, Mario le fameux but passe la bleue, son slap, puis boum, le goaler qui fait comme le genre de move de pied. Là, comme ouais, le côté de... là, avec le bloqueur. Ouais, c'est ça, puis l'étoile, là. De boîte, l'étoile le de boîte. Tu sais, ça ressemble à un coup. Ouais, c'est ça. Mmh. Fait que sur ça, on va réchauffer la crowd et commencer le match bientôt. J'avais envie de remettre Ginette Renault aujourd'hui, mais elle nous a fait perdre au dernier match. Fait que je remettrai pas l'hymne national. Écoutez l'hymne national! Maudit, est-ce que les Bruins ont percé le mystère Ginette? Bon, c'est pas là. Je pensais pas qu'ils étaient pour tout le temps me faire gagner. Ils ont passé sur Ginette. Comme un rouleau compresseur. T'as fait un hostie de pancake avec ça. Ouais, d'après moi, ils vont revenir. C'était sûr que ça allait arriver. Ouais. Ramenez-nous Céline Dion. J'ai vu ça passer dans les médias sociaux. Calmez-vous. Est-ce que René Rancourt est doom à Boston? T'sais? Ben, René Rancourt, d'après moi, va faire il un arrêt cardiaque. Il a le nez mauve, hein, ce style. Ouais, il est fini. Il est rotten. Ça, c'est quand tu bois une bonne shot. Ouais, quand t'en bois, il vient ben, mauve. Il est pas loin de... Je pense qu'il dit qu'il a comme... 74 ans. Ouais, 74 ans. Ah, mais Chris... Il est fini. Ouais, il force. Ah, mais lui, il a une commandite avec Grayson Formula. OK, moi, je pensais qu'il y a une commandite avec genre la Boston Lager. Aussi. Samuel Adams. Aussi, peut-être. Il du boost. Il est stéro, man, ce gars-là. Bon. C'est stéro. Ah, moi, je l'ai dit. Il tape ses nerfs. Ah ouais, quand il pompe sa fille. Ah ouais. Là. Quand il dit The Brave, puis il pointe à tout le monde. Comment, ah, moi, je trouve ça correct. Ben, c'est son style, mais il va pas être au frais de bientôt. Je trouve ça correct, moi. Ah, je l'aime pas. Moi, me en plus, il fausse. Puis moi, je trouve ça correct parce qu'il réchauffe la bombe. Il a l'air d'un studio. C'est drôle, tu sais. Puis il chante même pas bien. Il chante pas bien, il fausse. Puis je pense que l'organiste fausse pour qu'il ait l'air de chanter bien en plus. Ouais. Ah, mais ça tu fait peux tout... fausser quand t'es organiste. Ah, ouais, tu peux faire des mauvaises notes. Le pianiste qui disait ça justement, que même le pianiste de Boston joue pas bien. Fait des mauvaises notes. C'est correct. Ça fait partie de la place. Ok, parce que je sais, j'ai vu des affaires. J'ai entendu des choses bien pires que ça. C'était la série avec Tampa Bay. La musique à Tampa Bay, asti, que c'est de la merde. C'est du boom-boom tout le long. Thunderstruck de... Non, même pas, là. C'est même pas, là. C'est tout genre là, des astuces du beat, mon gars, pis des genres de tunes techno. Là. T'es comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas hockey, ça, là. T'arrives à Montréal, ils jouent du Metallica, à une, genre une mise au jeu, c'est le, genre la passe de One de Metallica, là, que ça se met à varger au bout. C'est une mise au jeu. C'est Holy Wars de Megadeth, Walk the Pantera. Les clubs, ça les clubs où que genre, le hockey, c'est fort, là. C'est tout pensé, la musique, là. Là-bas, ils mettent de la musique pour faire embarquer le monde parce que le monde est mort, man. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a l'affaire. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe à la glace? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais le hockey, montre les règlements en haut. Vous n'étiez pas allé voir Red Game au sénateur qui disait quoi faire avec elle? Ben, il disait quand cheer, là. Quand on fait ça, imagine, puis Chris, ça, c'est au Canada. Tu croirais que c'est triste. Ben, c'est pour ça qu'il y a plus de fans. Non, mais sérieusement, pour moi, le hockey, c'est un sport qui est associé à la musique comme plus rock puis metal. T'entends jamais de rap là, quasiment là, dans des games là. Ben ouais, genre, mais tu sais, je veux dire, t'entends jamais de rap au basket. Tu vas-tu entendre du rock, Anton, tu sais, genre dans un match de basket? C'est très rare, c'est rien que du rap, c'est juste du hip-hop. Puis au baseball, ben c'est des tunes genre de la salsa. La salsa. Non, ça dépend des joueurs. Ouais, c'est bon. C'est ça, c'est correct. Ça, c'est baseball. Ça, c'est classique. Cas, fait que pendant que René Rancourt va péter au fret, Ginette Renault reçoit un pop de face en rentrant, comme dirait Dave sur Twitter cette semaine. Un quoi? Un pop de face. Ginette? Ouais, Ginette. Ginette, elle a un esti de pop de face, man. Pop de face? Ouais. Terme de lutte ici. Ah, ok. Elle a un esti de pop de face. Elle rentre comme un gentil à la lutte, le monstre. Ginette! Le gars, il chaîne Ginette avant qu'elle arrive. Oui, man, c'est malade. Hey, l'hymne national qui est fini là, avec la fille qu'on connaît pas, là, qui chante en anglais et qu'on sait pas c'est qui, là, si chose Diamond. Sarah Diamond. Après ça, t'entends Ginette! C'est cool, mais moi, je suis en train de on est déjà en train de brûler ça, je trouve, là, un peu. T'as envie de brûler Ginette? C'est juste pendant une série. Ça vient trop, là, à un moment donné. C'est pas grave, ça va durer quoi, peut-être? Mais en même temps, puis là, elle veut se ramener à tout le monde, ça devient malaisant. Ouais, mais on a perdu hier parce qu'elle a serré deux mains, ça a l'air. Non, elle pas serré. Ouais, Boudaille, puis Brière. Puis Brière, puis Gianta l'a ignoré. Gianta, il a continué à mettre son casque, il l'a jamais checké. Je pense qu'il voulait pas. Il était pas à l'aise la dernière fois, anyway, là, il l'a comme pendé de force un peu. Puis là, j'étais comme, oh non, c'est moi ce genre d'affaire. Ça me rend mal à l'aise, change de poste. Ouais. Ça me gêne, on dirait. Ça me gêne, moi, ça. Là, on dirait, j'ai l'air mal. En tout cas, c'est quand même plus un bonbon pour les fans qu'autre chose, là, de toute façon. Non, mais c'est plus pour mettre l'ambiance. Ça pompe tout de suite le monde. Non, mais le monde, ouais, ça, c'est bon pour réchauffer à la cour. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Il reste que ça fait comme partie de l'affaire comme mystérieux là, autour de la... Tu sais, Ginette, elle nous a fait gagner. Là, c'est... Elle a fait jouer bien des joueurs. Là, ouais. C'est comme si elle mettait... C'est correct. C'est ça, c'est correct. Je suis en train de me demander si c'est pas trop là, à un moment donné. Là, parce mais là, c'est ça juste ça pour les séries. Comme mettre nos chapelets à la corde. Hey, inquiète-toi pas, l'année prochaine, Charles, il va être revenu, là. Non, mais je m'ennuie pas de Charles en même temps. Mais oui, c'est ça, Charles. Avril, la... Non, il était à taverne. Avril Lavigne. Avril Lavigne. Il était à taverne. Je sais, Charles, il va chez Normand, ça. Ouais, c'est ça. Mais il ouais, y a un Normand, il y a un Normand. En même temps, tu sais, Ginette et Charles ont un petit peu le même genre de coupe de cheveux, tu sais. Ouais. Hey, mais à la fin, là, hey, les dernières notes à Ginette, là, le toupe, là, avec sa grouille à Nest. Elle a tellement de trémolo dans la voix, man, ça a même pas de style bon. Puis là, il y a un moment donné, je trouvais qu'il y a une coupe de notes dans plein milieu, là, qui mettait ça gospel un peu plus, ça peut changer un peu comme le... c'est correct, puis la dernière rime, j'ai écouté attentivement, est revenue comme plus classique. Ouais, elle est revenue avec des notes plus classiques, genre, à moins comme Mark, gossé. Mark, j'ai remarqué ça moi aussi. Ouais. J'étais pas là, moi. Je l'ai pas écouté. T'as pas écouté? Occupé. La dernière rime? T'étais encore aux toilettes, Alex? Non, j'ai pas vu le début. Ah, ok, t'as pas vu le début. Ah, ok. T'as pas vu le livre? Ben, c'est plate. Comment ça? Ah, big deal. Tristesse. Ouais. Moi, j'étais pas là, puis je l'écoutais en reprise, même si je savais que ça finissait. Je prenais mon bain. T'as écouté Ginette? J'ai écouté Ginette, j'ai écouté au complet. Parce que j'étais dans le bain. C'est un bain en plus. J'étais en train de prendre mon bain. J'avais l'impression que je suis propre quand je sors d'un bain. J'ai l'impression que je rentre dans mon vieux. T'es mieux de prendre une douche avant. T'as un bain à ma fille. Ou tu prends un bain, tu prends un bain, puis tu prends une douche après. Chris, t'as pourquoi pas... on parle de bain? Hey, man, t'as pas... Je sais pas, on aurait peut-être... Je vais me demander pourquoi j'ai manqué le début. Hey, excuse, savoir, hey, excuse man, t'as pas congé la gueule, de bain? La gueule, as-tu commencé? Non, j'ai pas de rapport encore. Non, pas de congé de bain. Aïe, aïe. Cabotinage devant ben, match. Ben non, t'as pas de rapport à pas, qu'on peut dire n'importe quoi. Non, mais c'est comme quand il y a du bronze camarade dans la période d'échauffement, là, que le monde se pogne à la ligne rouge. Hey, oui, la semi-ligne rouge. Avez-vous vu juste l'affaire avant, Subban qui a voulu embarquer le dernier sa patinoire, sa tradition? Pendant le warm-up, justement, parce qu'on était dans le warm-up, avant une game, c'est tout le temps que c'est lui qui sort le dernier de la patinoire. Il a pratiqué un one-timer, Puis il a pété son bâton. Il a été chercher un bâton sur le banc. Puis il a fait « Ah, fuck, c'est fini. Anyway, on retourne au vestiaire. » Puis Brière est encore sur la glace. Brière était le dernier à sortir. Puis Subban est juste sorti sa patinoire, faire une petite loupe, puis il est rentré dans le vestiaire. Il a pris la peine d'en sortir. Ouais, exact, mais ça, c'est sûr. Les gars, ils ont toutes leurs petites affaires. Ah, là, mais là, c'est une routine, intense x 10. Ouais, mais ça a l'air que les joueurs ont toutes des routines. Avant que la game commence, là, comme backstage, qu'est-ce que tu vois pas? Là, ils ont toutes leurs petites routines. Ils font un pound. J'ai déjà vu la routine de Roy avant le game. Là. C'était même pas drôle. Il y avait une puck dans son casier. Là, fait que personne touche à sa puck. Il y a une puck qui a fait dribbler là, sur le plancher là, pendant 10 minutes. Puis c'est son asti de pattern. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait une joke avant le game qui a enlevé sa puck dans sa case parce qu'il paraît que le pétage de coche était même pas beau dans le vestiaire. Il a défoncé une porte. Il a défoncé deux, trois TV. Des petits VHS. J'ai vu à un moment donné la routine avant un match des Pingouins. Puis ils font tout de quoi? Comme un joueur envers un autre. T'sais, comme mettons, moi je fais de quoi avec toi, toi tu fais de quoi avec Alex, Alex fait de quoi avec GF. T'sais, ils ont toutes leurs routines, pis c'est tout le temps la même affaire à chaque début de game. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais les goalers, c'est encore les pires, de pire. Les autres sont comme. Ouais, ils étaient connus. Ouais, c'est ça. T'en as qui sont plus que d'autres. Il l'a encore, même. Quelqu'un a passé à la chambre, il disait, c'est 5h33, c'est meeting. C'est ça. 33. 5h33. Il a regardé son numéro. Ouais. Ah ouais, c'est le 33 tatoué sur le cœur. Des tocs, c'est-tu du monde n'est que des tocs. Et parlant de tocs, on va dropper la puck. Oh! Ça va être aussi d'entrer en matière, mon gars. Et voilà. Alors, quatre matchs contre les Bruins de jouer, c'est maintenant 2-2 dans la série. Ouais. Par contre, est-ce qu'on commence par nos plus et nos moins de ces quatre games-là? On peut commencer par dire que, tu sais, tout le monde probablement disait que les Bruins c'était pour nous défoncer. Ah ouais. Là, pis ouais, c'est si quand même 2-2 puis on leur donne du fil à retard dans tabarnak. Moi, je suis sûr que le Canadien va gagner. Le Canadien peut gagner. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Je pense que tout le monde sous-estime le Canadien tellement. Non, t'as peu. Le monde sous-estimait le Canadien. J'ai inclus. Ben, non. Parce qu'on a une série. Oh, inclus-toi, Martin. Inclus-toi. Je m'inclus là-dedans, mais c'est parce qu'en même temps, c'est pas un bon comparatif parce qu'on a eu une série tellement facile. On est la seule équipe à avoir fait un balayage. Ouais, on a tellement peur d'être déçu qu'on a peur de dire Chris, notre équipe va gagner. Non, mais c'est ça, mais en même temps, on a frappé une équipe que ça a été vraiment facile contre Tampa Bay. On n'a eu aucune opposition dans les filets. Ah, c'est du côté de Tampa Bay, ça a été facile à notre avantage en plus parce qu'on s'est économisé. À Boston, sauf que quand Boston ouvre la machine, sacrément, c'est une équipe de hockey. Ouais, mais c'est du coup la meilleure équipe de l'Est en plus. Mais on a une défensive assez solide pour les tenir quand même. On a une grosse lacune à l'attaque. Mais Rask, tu sais, je veux dire, la seule raison pourquoi on va gagner, ce serait Carey Price. Ouais. Ben oui, là. C'est ça, la seule raison pour puis à l'inverse, Rask. Ouais. Parce que Rask en série, à date, il y a de la Parce que Chara est pas là. Ah, ben Chara, il est pas. Ben Chara, le plus ça va aller, plus ça va être pire, là, c'est sûr. Là. Ouais, Chara. Il s'en vieillissant. Chara, là, je comprends même pas comment ça, il est nommé pour être genre. Récipiendaire du trophée Norris, man. On l'a tantôt, ça. Mais on en reparlera, là. Mais sérieusement, c'est ça. Si tu checkes les gros canons de Boston, ça score pas plus que les gros canons de Montréal. Ben, deux goalers en puissance. Là. C'est deux goalers en puissance, mais ça joue vraiment serré, puis ça joue du hockey de système. C'est là que ça va changer la série. C'est la première des deux équipes que leurs gros canons vont marcher. Ben, je pense qu'ils vont prendre l'avantage de la série. Parce qu'honnêtement, Yu Pacioretty, puis genre Vanek, si on veut, super Dernier. Fou, là. Ben, Dernier, il dépend de ces gars-là en même temps. Parce que c'est un playmaker. Si on veut gagner, c'est ça. Puis là, ils ont pété la ligne en plus. Je veux dire, je comprends le qu'ils ont envoyé, c'est correct. De ramener Gallagher avec eux autres, tout ça, puis de switcher Vanek. Mais, tu sais, je veux dire, si on veut gagner, il va falloir que l'attaque score plus tôt que ça dans le match. C'est clair. Parce que ça nous prend. Ça, par exemple, ils l'ont fait beaucoup. Le Canadien, c'est une des équipes qui a scoré 3 buts à tous les matchs. Sauf la dernière game. Exact. Sauf la dernière game. Ouais, ils n'ont pas réussi à scorer. Ils ont scoré vite. C'est pas les chances qu'ils ont manqué. On scorait rapidement, man. En début de période, man. Bang, on rentrait. On leur rentrait. Mais pour gagner contre les Browns, ça te prend quasiment un coussin de 2 buts. 3, c'est ça. Il y avait une stat en plus qui disait que le Canadien, dans les playoffs à date, n'avait pas tiré de l'arrière. Non. Plus que genre 3 minutes. 3% pour ça. Vrai, c'est comme 15 minutes de temps qu'on a tiré de l'arrière. Ouais, puis Montréal, quand ils ont premier but, la plupart du temps, ils gagnent. Puis on a 200 minutes en avance. Ils gagnent. Mais même en saison régulière. On est en avance tout le temps, mais en même temps, Boston, les Kings pourront venir en fin de game. On fait ça toute l'année. Boston, le Canadien, toute la saison, la troisième période, c'est la moins bonne du Canadien. Ça a toujours été ça. En série, c'est la même astuce d'affaires. C'est ça. Faut tenir, faut juste tienne ici, puis là, ouais, Carey Price va sauver ton cul, puis après ça, tu gagnes. Mais ça. Montréal, OK, mais c'est même, tu sais, moi, la manière que je vois ça, c'est que vraiment, Boston, en plus, tu sais, c'est une équipe qui est très forte pour revenir d'une game. La troisième période, c'est leur période. Nous autres, la troisième période, c'est pas notre période. Tu sais, fait que c'est là que ça devient comme super dangereux, là. Puis, tu sais, Boston, on les a vus l'année passée en playoff, ils ont monté un déficit là, de 3-1, je pense, contre... Ouais, ils ont fait ça contre nous autres aussi. Mais ben non, puis contre Toronto, là, ils ont gagné la série. Là. Ouais. La série, ils a perdu 3-1, je pense. Ouais. Ils ont remonté ça, ils ont planté, ils tiraient de l'arrière de 3 ou 4 buts Toronto. En troisième. Ouais, je sais, mais l'année passée, ils avaient bien joué Toronto, là, ça, pareil. C'était, là. C'était une astuce de série solide. Deux vidéos sur YouTube montraient tous les fans des Leafs, tout heureux, puis après ça, tu vois que de plus en plus dépressé. Puis Boston, on aime ça voir les Leafs des Puis Boston a perdu en finale de la Coupe Stanley contre Chicago en se faisant faire le même astuce de traitement qu'ils ont fait à Toronto. Ah, si, j'étais content. Hein, ben, aussi. Ben, les games Montréal-Boston sont vraiment bonnes, mais trouvez-vous que c'est moins intense que ce que je m'attendais que ça allait être? Ben, les Bruins ont pas les pénalités. Ouais, les Bruins sont c'est... plus ouais. disciplinés. Les Bruins, là, été, ils sont, c'est des petits ours. En même temps, ça les aide pas à faire ça. C'est des teddy bears. Ils sont pas habitués à jouer. Hey, comme le troisième match, je pense, on avait plus de mises en échec que Boston. C'est pas normal. Mm-hmm. ouais, je pense que c'est le troisième. Ouais, mais ça, ce que ça envoie, c'est. La quatrième, c'est 40 mises en échec, Boston, 32 Canadiens. Mais ça, je vais probablement tout l'avoir. Parce qu'ils veulent pas rentrer dans ce game-là, puis c'est bien normal mais Chris, aussi. Mais c'est leur game. Non, mais c'est pas leur game. Il va falloir que ça change. Non, ça, parce que s'ils se ramassent tout le temps au bas des. Parce que les, non, parce qu'on leur a fait peur tout de suite. On les a fait peur, mais pas rien que ça. Ils savent que les refs, ils vont caler les pénalités, puis ils veulent pas avoir le powerplay de Montréal dans les jambes trop souvent. Ouais, mais le powerplay de Montréal, avant la série contre Boston, était de la merde. Ouais, c'est juste après, ils auraient même pas dû avoir peur, puis la première game, ils ont scoré deux fois. Le powerplay de Boston était bon, puis là, il est zéro, mon gars. Je pense qu'ils sont zéro en ce moment. 37. Ouais, je sais pas si vous allez voir les stats. Là. Non, c'est en 10, hey. Je pense. Ouais, non, je sais pas. 0 en 37 depuis genre 2009. Ouais, affaire de même, ils ont jamais scoré. Ils ont pas scoré contre le Canadien depuis 2009. Ben, en affaire okay, de même. Ok, mais circule dans les 2-3 dernières années, Boston, ben, puis peut-être encore plus loin, là, mais Boston, ils ont jamais eu de power play, jamais. C'est le meilleur power play cette année qu'ils ont depuis un crise de bout. Ah, pas beaucoup. Ils ont tout été poches l'année passée. Ils étaient poches en power play. Okay, ils scoraient pas en power play. Là, cette année, ils sont bons en power play, ils sont forts. Mais contre Montréal, ça a été 0-0. Contre Montréal, Boston, c'est pas l'équipe de Boston. C'est ben juste dit que les Canadiens ont des chances. Parce ils sont désavantagés, genre sur le plan mental. Je sais pas, ouais, c'est ça. C'est sur le plan mental qu'ils sont ils ont un problème contre les Canadiens. C'est tout le temps dur. Ben leur force à Boston, en plus, c'est qu'ils ont le même noyau de joueurs depuis vraiment beaucoup d'années. Puis ils se rendent tout le temps en playoff. Ils ont gagné la coupe avec ce noyau-là. Mais c'est une lacune aussi parce qu'ils sont pognés dans le moule de se pogner contre le Canadien puis d'être pris dans les mêmes patterns tout le temps. Fait ça joue au gars contre eux. Il y a un gros aspect mental là, là-dedans. Là, c'est comme ça dépasse y a le des talent périodes. Des Canadiens, cet aspect mental-là. Je trouve c'est comme calvaire. Des blocages. Puis Montréal, c'est-tu quoi? Puis là, c'est des genres de blocages. Mais en même temps, je veux dire, je pense que sérieusement, à l'heure qu'on se parle là, puis je regarde la game qu'on a eue hier. Boston, il respecte Montréal, puis Montréal n'a pas de complexe contre Boston. Là. Non. Vraiment pas. Là. Non, vraiment pas. Puis même qu'hier, on les a fait bien plus mal, le style. Sérieusement, on les a gelés pas mal plus qu'eux autres. On a été bien plus attendus. Ils ont plaqué plus que mais nous sauf autres, que. Ah ouais, hier, ouais, ils ont plaqué plus, moi, mais je pense que pas moi. Vu ça de même, moi, je pense qu'ils se sont pris pour la game d'avant qu'on a plaqué plus qu'eux autres. Ben Murray, là, c'était mal. Murray et Millen. Ils en ont fait des bons. Murray surtout. Là. Mais en tout cas, hier, je les ai pas trouvés physiques. À part Boston, je les ai pas trouvés physiques. Été... Pas en tout, à part les petites crises de coups de cochon, genre de Brad Marchand, puis les slashing ses mains, puis des cheap shots. Ça, c'est toutes les games. Mais c'est-tu quoi? À un moment donné. Chaque plaquage, c'est les mains d'en face. Je me souviens d'une séquence aussi où ce que Pacioretty, après qu'il y a eu un sifflet autour du net de Rask. Pacioretty a voulu brasser un peu, puis t'as un joueur des Canadiens, je me souviens plus qui, est venu comme donner un coup d'hockey ses clottes à Pacio, genre en disant comme. Embarque pas dans arrête le arrête ça ouais. Drette là. Ah ouais, c'est une affaire que j'ai remarqué là, c'est comme non. Commence mais pas Price, il a fait ça et tout à un moment donné, il y avait du monde en avant le filet de. Ouais, il a donné un coup à Georges. Je parle, il a tassé Georges, puis en blasé, non, il fait rien. Non, mais je parle, il y a pour comme empêcher un joueur de plaquer d'autres de pousser. À un moment donné, en voulant dire non, c'est correct, laisse les faire, tu sais, en voulant dire embarque pas dans la game. Va pas provoquer genre un 2 ou quelque chose, va pas te mettre dans le trou. Drette ça, puis Boston, tu vois, il marche sur des œufs, ils veulent pas non plus. J'ai jamais vu une série est propre dans même. Là, tu regardes, admettons, des games. Il n'y a pas de pénalité. Ça joue au hockey. Il y a eu une game qui a eu plein de pénalités. Je pense à la deuxième. Il y a eu comme à peu près 6 pénalités. Là, 7, peut-être même 7-8. À cause de ça, on ne les reconnaît pas non plus, les Bruins. Là. Ben non, ils ne font pas penser aux Bruins. Qu'est-ce qu'ils font, ils manquent leur grit, mais moi, je pense leur confiance. Confiance, ça revient. Leur confiance est comme. On va parler. Non, mais t'as dit bon sens. Ils marchent sur des œufs, Boston, présentement. Ils cherchent, puis ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent pas briser rien, ils veulent pas. Ils savent pas par quel bout de la prendre. Ils sont émotifs. Ou je pense dans le doute. Ben oui, vraiment, là, parce que le Canadien les bat tout le temps ou leur donne le temps, tu fais la retourne, puis. C'est des crises de game. Ils ont pas percé le Mr. Carey Price. Là. Non. Ben ils l'ont percé, mais avec un hostie de puck bondissant, puis. Ben ça avait l'air qu'il avait trouvé à faire, mais. Ouais, il a trouvé à faire, fait que tout le monde tirait en haut du net après la game. Il manquait toute la cible. Ah ouais, mais ça, c'est l'affaire de tous les gardiens de la ligue, anyway. C'est n'importe quoi comme. Anyway, un goaler qui est screené, anyway, il va tant se pencher pour checker, puis le haut est libre. Mais il y a une autre position à Star Price, il est comme il a les jambes plus écartées quand il. C'est ouais, différent qu'est-ce qu'il fait avant. Il y a vraiment un pad large. Il reste que tu sais, un gars qui regarde plus bas pour, pour voir la puck. Il va laisser le haut du filet libre. Mais ça, c'est plein de gardiens dans la ligue. Faut qu'il voit qu'il tire. Mais c'est sûr, il débloque le haut. Mais anyway, je pense que c'est 70% des buts qui se scorent au niveau des pads. Au niveau des pads. Au niveau des pads. Puis 30% dans le top net. Mais dans le top net, là, si tu commences à vouloir, ta stratégie, c'est on tient rien que top net, on tient rien que top net. Tu vas faire ça à Bévitré souvent à Chris. Là. C'est clair. Ah ouais, on l'a vu. Passons à nos plus et nos moins de ces quatre premiers matchs Boston-Montréal. Fait que, allez-y, les gars, commencez. Je sais pas qui veut commencer. Alex, vas-y donc, t'étais pas là la dernière fois. Fait que on te laisse les honneurs. Ouais, vas-y donc, toi. Ben, je peux commencer. Là, regarde, tiens, regardez, moi, mon moins, je vais le donner à Pacioretty. Ouais. Meilleur scoreur du Canadien cette année, puis il est pas capable, il est pas foutu de rien faire. Pas juste dans. Il a compté. Il est frileux en un crise, but. Hein. En série à date en 8 games. C'est en prolongation. C'est en prolongation qu'on ne t'aime pas sur un power play. Mais pas, c'était pas en prolongation, c'était à la fin de la troisième période en power play. Il a scoré ce but-là, puis tu sais, c'est comme il a ramassé une puck, genre, de peine et de misère. Il est-tu frileux ou il n'est pas impliqué? Moi, je pense qu'il est comme pas dans. Il est comme. Il n'est pas engagé. Il est pas capable de s'adapter au niveau d'intensité des séries. Il n'est pas engagé. J'ai pensé au Pacioretty du début de saison qui pensait juste aux Olympiques. Il choke-tu de la pression, Pacioretty? Non. C'est pas ça, parce qu'il joue pareil comme quand il joue dans la saison. Tu sais, quand que la saison, ça, le niveau d'intensité, il joue la même façon qu'il jouerait dans la saison. Je comprends pas, man. En plus, contre Boston, il devrait être allumé comme un petit balle de 12. Mais il joue comme ça serait le deuxième match au mois de novembre. C'est comme non, là t'es rendu au mois de mai. Il a peut-être mal, il a peut-être peur de se blesser, il veut peut-être pas trop, je sais pas, il est peut-être déjà blessé un peu puis il veut pas comme se magasiner. C'est comme mettons à San Jose, tu sais, les autres font toujours une série, mais tu sais, Marleau puis Thornton, ils gagnent pas parce qu'ils jouent toujours de la même façon. Il augmente, que ce soit les séries, ils pas leur niveau de jeu. C'est ça, je pense qu'il y a de la misère à monter son niveau. Ok, pote, mais mon plus, ouais, vas-y. Non, c'est beau. Mon plus, j'ai deux choix. Ah, tu me dis que c'est juste un choix. Mais non, c'est ça. Derwis. Ben non, je vais le donner à Carey. Je vais le donner à Carey parce que. Rien à reprocher à Carey Price. Puis, tu sais, il a bien gaulé dans la série contre le Lightning, mais dans la série contre les Bruins, il nous démontre. Puis, tu sais, c'est le meilleur goal. Le monde qui s'ennuie d'Alak, tu sais, fermez vos yeux. Ah non, mais non. C'est un running gag. Ok, ouais, puis là, faut juste comme. Là, on statue aujourd'hui qu'on ne prononce plus jamais le nom de Alak. À part si on parle de lui dans son équipe respective. Tu sais, la rest-stop, là, c'est marqué Price dessus à Star. On se colle. Non, mais c'est la photo que j'ai mise sur notre Facebook. C'est The Price is Right, puis c'est Bob Barker qui fait ce happy game. Avez-vous vu ça? Il y a du monde qui ont fait ça à Boston, qui ont mis des arrest-stops, qui ont mis Price à la place de stop. Ils ont collé Price à la place de stop à Boston. Nice. C'est une bonne fait guy. Que je vais le donner à Price qui est 921 de moyenne, puis sa moyenne était moins bonne contre Tampa, puis il l'a remonté contre les Bruins avec un premier match contre les Bruins qui a eu 51 tirs. Ouais, une astide fusillade de fou, mon gars. Il est 2.29 de moyenne de but par match. C'est mon plus en crise. Mart? Moi, je vais nommer sûrement ton choix numéro 2, là, mais tu sais, Price, moi, dans mes plus, j'aurais nommé Price aussi parce que Chris, le gars, il est tellement dans sa zone. Tu le vois dans ses yeux, tu le vois de la façon qu'il agit, qu'il se comporte, qu'il se tient devant son net. Il est peine trop en confiance. Mais mon plus, moi, je le donne à Piquet Souban. Ouais, parce c'est un close call. Piquet est dominant. Puis je pense qu'il est encore plus dominant contre les Brooms qu'il l'était. Ah, c'est l'enfer. Souban, là, c'est. Chris, le gars, il est 11 points en 8 matchs. C'est le quatrième, je pense, meilleur pointeur des playoffs en ce moment. Mais en tout cas, c'est dans tous les playoffs actuellement, là, c'est le quatrième meilleur pointeur. Je peux te dire ça, Mark. Ouais, il est meilleur défenseur. Son but en échappé en faisant du bas des pénalités, ouais, c'était quatrième. Le premier, c'est Kopitar avec 15. Après ça, Parisé, 13. Malkin, 12. Puis Subban, c'est un def. Un def qui est. Derrière Malkin, ouais. Puis il n'est pas candidat pour le Norris, le gars. Non. Puis au moins. Les séries, c'est pas inclus dans. Ouais, c'est ça. C'est poche pareil, mais je veux dire, tu sais, c'est pas né de nulle part pareil qu'il fasse 11 points, le gars, Chris, en playoff. C'est ta bougie d'allumage, c'est ton spirit dans le vestiaire. Puis le gars, en plus, payez-les. 10? Mais en plus de ça. Je pense qu'il va coûter 8,5-9 facile, en tout cas. Mais tu sais, en plus de ça, Souban, c'est un joueur qu'on on a pensé qu'on aurait tellement de misère avec, puis gars, c'est le gars qui devient ton. Vraiment, là. Je l'aime dans les séries parce que quand il fait des points, il y a eu une couple de fois qu'il a fait des points, soit un but ou une passe, que tu voyais qu'il voulait montrer un peu d'attitude, mais la plupart du temps, il regarde le gars. T'es rien, le cassé. Tu vois qu'il est là pour gagner, puis il est sérieux, le gars, man. Il est pas là pour faire son show. Il clutch en série, puis il clutch tout le temps, mais là, en série, tu vois, c'est pas le gars qui se défile. Il prend le team sur ses épaules, puis il va. Mon moins. Ton moins. Je vais y aller avec. Mon moins. Choix dans le moins, sérieux. Une couple de choix dans le moins. Ouais. Gab, moi, ça va être. Première ronde, si personne n'avait donné de moins. Je veux voir Vanek plus que ça. Ouais. Ouais, Vanek plus que ça. T'as dit Patio. Moi, Vanek, c'est un joueur que j'attends d'une série contre Boston. Je veux voir le. Mais en même temps, c'est dur de pénaliser le monde. La série est tellement serrée, je trouve. C'est dur, c'est le jeu. C'est sûr que, tu sais. Il y en a qui me gossent, moi, de la façon qu'ils jouent. Ouais, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que je dis, tu sais, s'il y a des joueurs qui se réveillent dans une ou deux des. Dans une ou l'autre des deux équipes, ça peut changer, Boston, là. Cette équipe-là, Chris va prendre le dessus, là. Parce que, man, si les meilleurs joueurs de cette équipe. C'est une game de goaler, man. C'est tellement dur. C'est une game de goaler, puis genre de joueurs que tu vois pas. Là. Hey, fin de checker la dernière game. Il y a eu combien de tirs de la slot? Le gars qui a eu le plus d'occasions de marquer, ça a été Gianta, qui a jamais été capable de se correcter son revers, puis tout ça. C'est lui qui a eu le plus d'occasions de marquer de filet avec le puck. Bournival, dernière game, il a joué une nice. Ah, il est super bon, mais Bournival, il a eu une chance de marquer une fois. Ben, il a plus, ça, il a ça eu 3-4 bons tirs, mais c'est parce qu'il est pas assez patient. Il est même, s'il aurait raté plus loin dans la zone. Mais quand ils sont lancés, il est comme pas à point non plus. Il fait passer à Yann Boulis. Ouais, mais tu sais, les tirs. C'est vrai, il allait super vite, mais il patine vite en crise. Mais il tirait tout le temps, ça donne rien. Il a pas eu de longue carrière. Il n'a pas un gros shot. Mais la dernière game. J'espère qu'il va être meilleur que Yann Boulis. Je sais, mais je sais, dans les bonnes années de Yann Boulis. Ouais, ok. Mais tu sais, tu check les tirs de la dernière game, là. Ça partait tout du bord de la bande. Tout était fermé au milieu. Lui, il était dans le milieu. Fuck it. Mais c'est juste qu'il était trop dans haut de l'angle. Non, c'est ça, c'était loin. J'aime le four check. Ah ouais, on a rien à dire. Il veut être sa rondelle. Lui, il aurait pu avoir un plus aussi, remarque bien. C'est ça, les jeunes, lui, Gallagher, tout ça, il patine en crise. Gallagher était carré. Ouais, Bournival, tu pourrais donner un plus, mais tu sais, il a pas joué toutes les games. Bourque. Alex, vas-y donc, tes choix. Mon plus, ben là, les deux ont été dit, mais c'est sûr que c'est Carey Price. Tu veux dire Eller puis Bourque en même temps, mettons, tu peux dire Elbourque. Bookler. Bon, moi, j'en peut-être surprendre, mais il y en a un qui me gosse, puis que je trouve qu'à chaque fois que c'est deux, ben c'est un duo de défenseurs, mais à chaque fois que c'est deux de ces défenseurs-là. Murray. Non. Ben, je trouve que vraiment, là, ça, ils font souvent des revirements, puis on est souvent pris dans notre zone. Ouais, Elmelin puis Markov. Mais ça serait Markov. Ouais. Pour de vrai, Markov, il est bon. Ouais. Ouais. Markov, mais ouais, mais au moins, c'est Markov. Markov, là, il hey, hier, est il a 4, fait trois revirements hier. Ah, mais c'est Emeline qui écoute ça. Il est pas nié par parle pas, mais non, mais les deux, ils se parlent pas. Emeline, il ne passe en arrière du net. Je trouve qu'il joue quand même pas si mal. Ouais, il est moins pire que je trouve Markov. Mais on dirait qu'il ne se parle pas, les deux Russes. À un moment donné, il est sur le bord de la bande. Markov est en avant du net. Il passe en arrière du net. C'est comme, il attend pas pendant toute la Emeline base, prend des drôles de décisions avec la puck souvent, je trouve. Ah, mais ça, faut que tu t'en attendes parce que le gars, il est pas tout en le temps plus, bon avec la puck. Il joue contre Boston. C'est sûr qu'il a le goût de frapper, man. Mais tu sais, je veux dire, non, Markov fait des très bons jeux, mais il pourrait être meilleur. T'es ton jeune joueur. Pour sortir le puck de sa zone, quand Emeline fait le tour du net, puis il est pressé dans une situation rapide, qu'il faut qu'il prenne une décision rapide, Emeline. Peut-être, mais Markov, c'est ton défenseur all-around. Tout le temps dans le fond, puis il perd tout le temps à puck. Ouais. Les Bruins sont tout le temps les premiers à puck. Ouais, Markov, c'est ton vétéran, c'est ton défenseur all-around. Ben, il est bon en défense, il est bon en attaque. C'est ton général, il, là. Il produit pas, là. Il fait rien. Il pourrait être meilleur. Moi, c'est une gosse. Mais moi, je pense que c'est son match-up. Il joue contre Bergeron. Mais ça, c'était même à Montréal, il jouait contre Bergeron. Fait que c'est Michel Therrien qui décide de le mettre là, puis ils se font souvent pogner dans la zone. Non, mais je veux dire, son team. Il a joué avec Emelin pas mal. Non, je comprends, mais Emelin prend des décisions. Que Markov peut pas tout le temps patcher non plus. En plus, ils peuvent se parler en russe. Non, mais tu regardes Georges avec Piqué. Ils ont même pas besoin, on dirait, de se parler. La passe, ils savent tout le temps où c'est qu'ils sont. Des fois, Emeline, on dirait que c'est pas Markov, il est où. Markov, c'est pas Emeline, est où. Puis là, ça part. Oh non, elle passe tout droit la puck, elle se ramasse à l'ailier. Le l'ailier est pas bien placé. Boston fait le forecheck. Oh, là, ça reste dans la zone. Là, ça tourne tout le temps rond. Puis à un moment donné, c'est dangereux. Là. Fait que ça, c'était ton moins, toi, ouais, Markov. Markov. Ton plus, ça serait qui? Price. Tu veux pas te justifier sur Price? Ouais, dis le donc. Ouais, tu dis que tu te Price. Trouves beau, là. Il est beau, il est beau. Ouais, il est capable. Là. Non, il est beau. J'aime sa barbe. Est-ce qu'on s'ennuie une belle petite barbe. Est-ce qu'on s'ennuie du Price dans le sud avec 14 clubs dans la gueule? Des chicks partout, là. C'est correct, le gars, Chris, il a fait de la party. Hey, non, à cette heure, il est rangé, il y a une blonde puis il y a deux chiens. C'est un homme marié. Il y a une femme puis il y a deux chiens qui a perdu puis qui a été retrouvé cette semaine. Il a donné un bâton de hockey pour ça, signé. Puis il l'a invité au match après. Non, c'est quelqu'un d'autre, dans ça a l'air qui a donné des billets. Ah, c'est oui? un fan d'une station de radio, ça a l'air qui a donné des billets pour aller rencontrer dans une loge, je sais pas trop quoi. Ouais, j'ai vu ça quelque part. Calice. Ouais. Moi, j'ai dit fuck you, j'ai garde aussi. Ouais, hey, regarde tes chiens, le gars, il est calme. Le gars, tu vois, il doit être partisan au bout. Hey, amène-moi ce gars-là, il a trouvé les chiens après, je donne mes billets. Lucky charm, he's our lucky charm. Je pensais que c'était Price qui t'avait invité, que j'avais entendu. Ben, moi, c'est pas ça que j'ai lu, mais écoute, garde, Mart, tu sais qu'il y a la vérité. On le saura peut-être jamais. Journal de Mourier. Et oui, puis exclusivement ce soir, on a Carey Price en ligne. Salut Carey. Oui, je pensais que t'imitais Sam Ward. Hein? Je pensais que t'allais l'imiter lui. Ben non, c'est quand même beau le Chris. Hein? Pas assez beau. Ouais, t'es pas assez beau. Non, vraiment beau. Malheureusement pour toi. T'as pas le chalice. C'est à mon tour, puis la période se termine, fait que je vais y aller. Surtout pas le bâton. Ouais, t'as pas le bâton. Est-ce qu'on attend que la période se termine? Vas-y, il y a le bâton large. Il y a le bâton large et plat. Alors que notre période. Les du bâton, laissez-les dire. La période se termine en même temps que celle à la télévision, c'est 1-1 entre Boston et Montréal. De 79. Ça passait vite dans le temps, les périodes. Lambert, il a été frappé tantôt. Ouh! C'est parce que Dave, en plus, il n'y a pas d'annonce. Attends, mais pas. T'es pas pogné pour voir les petites annonces de petites bouteilles de bière, pas de coups. Les petites bouteilles de sirop. Là, tu sais. Fait que mes plus, mes moins, j'hésitais. Bon, moi, je vais le donner à Vanek, moi aussi, là, parce que je m'attendais à avoir plus de ce joueur. Shoot, ça arrête de passer le puck, tabarnak. Ouais, c'est ça. Il fait comme le playmaker, man, au lieu de shooter le puck. Ça, c'est la job à Darnan. En plus, il se fait du fun contre Boston, normalement, Vanek. Fait que je comprends pas qu'il se débloque pas. Puis c'est parce que je le remarque, en plus, à la glace, que la puck qui passe à côté, puis il bouge pas. Ouais, il est pas là. C'est pour ça que la première game. C'est sûr que la première game, à un moment donné, il était benché. Là. Tu sais, c'est comme, tu vois, qu'il patinait pas. Je comprends. Il y a pas d'intensité. Il est non, pas là. Il se comporte plus comme un fabricant de jeu qu'on dirait que le gars qui arrive avec le puck. Il a fait une hostie de passe à Plekis, par exemple. Ça, c'était fou. C'est un hostie. Il est là, mais il y a des flashs. Mais tu sais, c'est ça. C'est juste un flash qui est arrivé, puis après ça, bon, c'était une bulle, là. Puis après ça, il rembarque sur le neutre. Mais en même temps, c'est peut-être le gars qui pourrait nous faire gagner la série et tout, puis de faire un hat-trick. Ouais, mais ça, on le dit depuis le début même. Ouais, mais c'est sûr. Mais j'espère qu'il va se réveiller en tabarnak. Ouais, mais c'est ça, pareil, c'est le genre de joueur de même. Il est là plus que Pacioretty, je trouve. C'est juste que, justement, la façon qu'il joue. Ah, il est plus là. Je veux dire, la façon qu'il joue, c'est sûr que ça va gosser partisan du Canadien. Il est peut-être plus impliqué physiquement que Pacioretty, un peu. C'est sûr que son style de jeu, il est pas fait pour les partisans du Canadien. Mon moins, c'était Pacio puis Vanek, mais je choisis Vanek, mais ça aurait pu être aussi bien Pacioretty parce qu'il a peur et il fait rien. Il est flat, man. Puis mon plus, j'essaie d'être original, je le donne à Mike Weaver, mon plus. Je l'ai pas dit. Je voyais ça sur ta fenêtre, ta feuille, puis j'étais comme, peut-être je vais le dire. Parce que. Gâcher son punch. Ouais, c'est ça. J'avais des backups, là, mais je vais excellente avouer. Acquisition. Ouais, c'est marqué Murray aussi. Très utile aussi, je trouve. Mais je vais avouer une affaire, c'est que Weaver, là, man. Wow. Chris, on a plus besoin d'un gars comme Gill dans des avantages numériques quand on a Weaver. Il est fou, ce gars-là. Donc, à Bouillon, on va s'en aller. Bouillon s'en va, Carl Weaver, c'est un droitier. Puis là, les jeunes, il y a un jeune qui va monter parce que vu que c'est un droitier, il y a des chances de rester à Montréal. Ouais, c'est ça la chance. Il est pas, il est pas jeune. Puis il va être le septième. Ça va être le septième. Mais il y a tellement bloqué de choses. Il va se promener entre la galerie de presse. T'as besoin d'un vétéran de même justement pour avoir un droitier dans les matchs importants. Mais là, cette année, il joue lui avec le désir de continuer. Mais il est dans un marché d'hockey. Puis c'est pas la Floride, les sites. Capote. Il doit y avoir du fun. Je me demande, est-ce qu'il dort-tu à l'hôtel, ce gars-là, où il s'est fait aller cueillir chez quelqu'un? Ouais, il doit avoir un condo, là. Un faudrait bien le faire. C'est pas un hôtel, bien souvent, c'est-tu, là. Tant qu'on va essayer de contrôler, il dort à l'hôtel pendant 6 mois de temps, man. C'est-tu, là, il va. Mais il a été vraiment utile, bloqué bien des shots. En tout cas, il est dévoué encore. C'est des belles hôtels. Il paye au mois. Les acquisitions de Bergevin qu'on doutait en début de saison commencent à porter fruit en playoff. C'est là qu'on voit que ils ont peut-être un bon scouting team. Ouais. Les scouts en esti. Parce que Whiz, Whiz ou Diaz. Ou peut-être qu'il fait vraiment confiance. Whiz ou Diaz. Il y a quelqu'un qui l'a spoté. Whiz en tabarnak. Parce que les scouts, ils ont-tu changé tant que ça à Montréal? Je pense pas. Whiz, il a de l'énergie, man. Il est physique, man. Il va dans les coins, mon gars. Il veut manger les bandes. Il est écœurant, Whiz. Ouais, mais c'est peut-être la direction qui écoute plus les scouts aussi. Lui, il est là. Puis il va dire, man, ouais, ça, c'est bon. On l'essaye. Let's go. Fait peut-être plus c'est d'avoir. Plus confiance. On ne saura jamais, là, mais. Faudrait demander. Mais est-ce ça que c'est sûr que Bergevin, on peut pas dire que c'est planté jusqu'à date? Là, il y a du monde qui dirait que c'est planté avec la signature d'Abrière, tout ça. Je pense qu'il a racheté peut-être. Il y a eu des mauvaises erreurs avec Brière. Il est pas si pire, là. Brière en série, c'est la quatrième ligne. Mais c'est ça. Ok, gars, là, on est en playoff. Tu veux te bâtir une certaine profondeur pour être compétitif. Tu prends-tu Brière avant d'autres joueurs? Oui. Brière, il est 4 points. Il est 4 points, il est plus 2. Je veux dire, c'est quand même mais pas. Mais tu sais, tu regardes le Canadien, si ton centre Brière, de quatrième ligne, pas, c'est Daniel Brière. C'est quand même cool. C'est quand même pas super. Ton centre de quatrième ligne, c'est Daniel Brière. J'ai la barre plus forte que lui. Non, puis en plus, le teint est plus rosé aussi. L'avantage, c'est que Brière accepte son rôle, puis il pleure pas, puis il broye pas. Tu vois, là, qu'il chigne pas. Là, vous gagnez, il fait ses points, il joue bien avec lui. C'est ça. Fais ta job. Puis avant d'aller dans le track, pour le plus, mention honorable à Douglas, le train de minuit. Le rouleau compresseur. Il y en a gelé 3 sur un chiffre. Ouais, 3 en 10 secondes. C'est boum. Ah ben ça, mais plus Soderberg, c'était limite. Dans le dos, là. Ouais, mais en plus, il l'a gelé 2 fois. Il a commencé avec lui, il a gelé un autre, puis il est revenu sur lui. On peut rejoindre le fan club de Douglas Murray. Ça, c'était sa première dans la bande. J'ai appris quelque chose à la radio pour ce gars-là. J'écoutais. Ah, si, je pense que t'as pas rien à m'en faire que moi. Affaire que le monde, il était gagé sur lui pour le coucher. S'il prend des pots, c'est qui va le faire tomber? Parce que c'est vrai qu'il tombe jamais. Mais non, c'est vrai, Murray, tu regardes, il tombe pas ce gars-là, fait qu'il bêtait 50 piastres, pis c'était celui-là qui le faisait tomber, gagnait le pot. Il se fait ramasser dans des coins de patinoire, là. C'est le gars, il rebondit. J'ai entendu, t'as entendu ça à 98.5 hier. C'est rare, tu vois quelqu'un tomber. Le check sur Thornton, là, quand tu vois quelqu'un qui a fermé la porte, là. Moi, je l'appelle le doorman. Le check sur Thornton est tabarnak. Une affaire de fan de Boston, moi, qui me gosse, c'est que justement, toutes les hits, ils cheer. C'est nous autres au moins là, c'est puis un s'il manque. Il cheer. Ouais. Moi là Alex Boston, je cheer dans mon salon encore. Ouais, mais non mais à Boston même quand moi je cheer sur un hit comme celui-là bon sur Thornton. Ah, sur Thornton je me suis levé là. Ou quand Bowen a rentré Higgins là. Mais quand j'écoute une game de Boston, ça me cœur mon gars quand c'est la culture, c'est la culture. Brad Marchand fait un check genre de même là, puis c'est comme ah ouais, mais c'est la culture de l'équipe. Big Bad Bruins my ass man. I hate them. Fait que sur ça, on va aller faire une entrée et on va revenir pour la deuxième période. On va couvrir les 4 premiers matchs en plus en détail. Petit pépi. Gilles Gilbert. Gilles Gilbert. Alors, des parents inspirés. Hey, Christine Josh, ils l'ont pas appelé Gilbert, man. Gilbert. Il y a la pause à Ken Dryden. Ouais, Gilbert à la 2, genre. Ah ben ouais, à côté de son bâton. Ouais. Sur ces excellentes paroles, on est de retour et on commence la deuxième période. C'est une mouche d'affaire. C'est quoi? Ben, c'est-tu, là, t'as pas de colonne quand tu tiens sur ton bâton, là. C'est hot en même temps, là, ça le. Mais je veux dire, c'est. Il est pas Dryden, toi. T'as l'air comme trop nonchalant. Ouais, c'est ça, c'est gars. T'es trop en confiance, là. Dave, on va y aller game par game, on va donner quelques stats pour se mettre en. Bon. Dans le bain, là. Mais on va pas en parler en même temps, en plus. Non, c'est ça, allons-y. Première game contre Boston. Ben, contre Boston, ça, c'est... Oui, c'est... Ben, première game à Boston. Ouais. Donc, le Canadien qui a gagné 4-3 en deuxième période de prolongation. L'avez-vous écouté jusqu'à la fin? Oui. Ben oui. Et deuxième, non. J'ai pas écouté. Non? Ah non, moi j'ai flanché, c'est vrai. Moi j'ai pas flanché, puis c'était moi fou. Moi non plus. Je capotais bien rien. Je pas, man. T'es rendu 11h, je suis plus capable. Ah, ça a fini tard, ouais. Chris. Moi. J'ai réveillé ma blonde en gueulant avec le but, le but en fin de période. Ouais, la bouteille de vin a gagné. les bouteilles de bière ont gagné. En tout cas, c'est cette game-là que Price a reçu 51 lancés. Du rubber, ça. Hein? Et c'est du rubber. Ouais, il devait sentir le latex. Ouais, il devait sentir la poque chauffée. Le rubber. Ça, c'est la game qui a eu comme trop de poteaux, là, qui a été sauvée par ses poteaux aussi. Là. Sa ça, tête, man. Wow. Ça, c'est la série, les poteaux, là, aussi. Ouais. Et le premier but était un but de piquer sous bande d'un tir balayé. Qu'est-ce qu'un tir balayé, David? Un tir balayé, en anglais, c'est un snapshot. Bon, c'est un tir faible d'après. C'est pas un lancer frappé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas un style de snapshot hyper puissant. Il y en a que c'est la spécialité des snapshots. Ben, c'est quoi, là? Un tir balayé. On peut pas remettre le... ouais, c'est ça. Suivi d'un tir balayé de René Bourque. Mais là, je lui dirai pas tout, là, les buts. Bon, on n'a pas eu les buts par but, là. Mais oui, c'est ça. Fait que le Canadien a gagné par un but en deuxième période de prolongation de Piqué-Souben. En power play. C'était un tir frappé. Oh. Lancé frappé. C'est ça en power play? Oui, c'est en power play. En deuxième prolongation. Ouais, ils ont fini la première période de prolongation en power play, je pense. Ah, ben oui, B.I.N., ça doit être ça. But avantage numérique. Ouais. Ouais, il a fait le même but en plus que Boston, cette game-là. Il avait tiré comme c'était un slap shot, genre. Deux buts pareils. Ouais. Souben a fait la même affaire que Boston. Il a tiré vraiment fort, là, puis ça a raté direct. La première, c'était un tir faible. Mais on s'était fait égaliser sur un but de même, nous autres, par Boston aussi, qui avait tiré comme la ligne bleue. Là. Ah, c'est les stats en français. Ouais, c'est pas bon. Des heures de plaisir. Ah, ouais, mais là, je les ai tous sur ça en français. Ben, belle victoire du CH, malheureusement. On l'a volé, on l'a volé. On l'a volé, puis malheureusement, il y a eu les racistes de Boston qui sont sortis après cette game-là. Il y a eu le hashtag, là c'est la seule fois que je vais le dire, le hashtag nigger qui est sorti sur Twitter dans 17 000 messages Twitter. Le hashtag quoi? Le hashtag. Fait qu'eux autres ils l'ont N-word. Dit 17 000 fois. Non, mais là faut quand même clarifier que c'est pas 17 000 messages comme de haine raciste parce qu'il y en a qui retweetaient en disant fermez vos astidioles. Ouais, il y a eu des fans qui étaient corrects, d'autres non. Là. Mais quand même. C'est bon, des faux fans selon l'organisation. Ouais ben là, il n'y avait pas le choix de se défendre, l'organisation des Bruins. Autant Claude Julien que l'équipe, que la direction. Des faux fans que dans Foursquare, il était tagué TD Garden. Qui payait le billet super cher. Mais c'est des faux fans. Il y a un gars qui a posté une photo sur les réseaux sociaux qui dit que c'est de la merde, là. Ouais, il dit, c'est qui blasse les fans de Boston. Il dit, comment les fans, c'est pas sa couleur qui nous a battus, c'est son talent. Ouais. Toute l'équipe se sont complètement dissociés. En général, les gros canons de l'équipe se sont dissociés. Non, ils ont été super bons, je trouve, Boston. Sérieusement, je les ai trouvés. Je les ai trouvés vraiment cool de faire ça. Puis ben, il était pas obligé de le faire. Il était pas obligé de répondre à ça. Il était pas obligé de s'embarquer là-dedans. Ils sont allés loin parce qu'ils ont quand même dit, les fans qui disent ça, on les veut pas comme fans à Boston. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment fait un statement là, sur ce genre de comportement-là. Je sais pas là, si c'est parce que ça tombait dans le même temps que le gars là, de l'NBA Sterling. Là, qui en plus, ouais, c'est comme plus. Ouais, mais ils disent qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont servies de ça aussi pour c'est faire facile, la propagande anti-noir. Mais il y a encore beaucoup de racistes aux États-Unis. Mais oui, c'est sûr. C'est ancré dans leur gène jusqu'à une génération. En même temps, c'est tellement ironique que ce soit des fans de Boston qui callent Souben de nigger quand son frère il est là. Quand ils ont repêché son frère. Puis Guin là, il est pas tout à fait blanc. Ben Guin là, c'est un noir. Ben ouais, c'est moi, c'est un noir pâle. Bouillon, il est pâle aussi. C'est un noir, il y a du noir dans le sang pareil. Ah, bien, il y a du noir dans leur team en plus. C'est ça qu'il vient de dire. Ah, ok, excusez. Ben, c'est ça. Je pensais qu'on parlait de bouillon. Ça fait penser à Vanille. Super Puck, ouais. Player off. Maudit pas de chance. Ouais, c'est bon. Mais ouais, va le prendre, mon deux minutes. Là. En plus de son frère, frère à Souben, le premier joueur noir de la Ligue nationale venait de Boston. Willie O'Ree. Oh, il y a le nom. Un ailier droit. Willie O'Ree. Qu'est-ce qu'il y a dans sa carrière, lui? Il a joué de 57 à 79 pour les Bruins de Boston. Quand même long. Hein. Il a été considéré comme le Jackie Robinson du hockey. Oh, nice. Ah, ouais. Sauf que lui, on n'a jamais entendu parler. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'était le seul noir jusqu'à 79. Ouvre un livre, l'histoire de Boston. Je suis sûr que sa photo est même pas dedans. C'est plate, là, mais ça doit être ça pareil. Hey, tu me crées-tu que Tim Thomas, c'est même pas c'est qui? Il est encore en vie, lui, en plus. Willie O'Ree, 78 ans présentement. Ah ouais, puis es-tu content? Je sais pas. Puis, avez-vous ça à voir sur les 18 ans? Vis-tu? Puis, c'est tout le fun. Comment qu'on sent? Hey, on va aller dans les stats un peu plus loin. Il y a eu plus de 100 mises en échec pendant cette game-là. Hein? Mais il y a eu quand même 4 périodes. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a eu 5 périodes quasiment, mais pas 5 complètes. Mais. C'est rough. Ça fait du stock. Game rough. 30 lancés bloqués par le Canadien. 13 revirements provoqués contre 3. Fait que, tu sais. On a été chanceux de la gagner. Cette game-là. Ah ouais, ça... ouais, mais revirements provoqués. Le Canadien a provoqué 13 revirements. On a provoqué, on s'est fait provoquer. Causé, revirement causé 15. Ils en ont eu. Ça, c'est en plus, c'est pas la game que Subban a dépiné le net en plus. Non, c'est l'autre après. C'est la troisième. On est revenu. Ouais. Puis il y a eu 3 avantages numériques, un 2 en 3 pour le Canadien, 0 en 2 pour Boston. There we go. C'est là que ça a donné le avez-vous vu en fin de game le monde qui lançait des bouteilles d'eau sur Subban? Ben ils l'ont coupé pas mal sur toutes les passes. Moi j'ai essayé j'ai vu le photo j'en ai vu une, moi. Tu vois Subban qui reçoit il une bouteille d'eau. En plus, il servait vers la crowd. Il y a une check, photo, je sais pas si on l'a mis, mais tu vois la bouteille arriver derrière Subban après le but. Ah, il y a pogné là. Ça, j'ai vu la vidéo de ça. Ouais, après le but, ils ont lancé. À fin de la game. Moi, c'est pas après le but. C'est comme quand ils célébraient pour rentrer. Ouais, mais comme quand ils célébraient, genre proche du banc des joueurs. C'est ça. À la fin de la game, là? À la fin de la game. Ouais, mais ok, ben moi c'était dans le milieu de la patinoire, j'ai vu la c'est ça, dans le milieu de la patinoire. Ouais, c'est moins pire que se faire lancer une banane, là, dans un geste racial, là. Il paraît que quand il était au banc des pénalités, le monde en arrière faisait des sons de singe, pis tout. Ouais, mais c'est bien possible, hein. Ouais. Mais il y a déjà un goaler de la Ligue nationale qui s'est fait lancer une banane, pis il y en avait un autre aussi. Mais il y a eu quoi récemment aussi? Je pense que c'est encore dans la NBA, il y a des joueurs noirs qui prennent des photos en train de manger des bananes, justement, pour contrer le racisme. Je sais pas si ça fait pas l'effet inverse, là, mais c'était un autre débat. Ça, c'est arrivé dans le soccer aussi. Ça, c'est du reverse. Mais ça, ce qui paraît après ça, c'était un stunt. Là. C'était avant. C'était une commerciale de bananes, là, finalement. Là. Really? Ouais. C'était des Del Monte. C'était un stunt. Juste pour. Des Chiquitas. Après ce game-là aussi, malheureusement, j'ai pas l'audio, mais il y a Tuka Rask qui a dit qu'il avait joué comme de la marque. I played like shit. En tout cas, il s'est bien repris dans la dernière. C'est sa seule bonne game. On va voir, parce que c'est parce que Boston, la façon qu'ils ont joué, ils l'ont aidé en ST et tout. Ah, mais Rask, il est fou, le goaler, Rask veut pas jouer, c'est pas un bon goaler, c'est un des top goalers. C'est pas mal un des meilleurs. Moi, je veux avoir votre sentiment que vous aviez après la première game. On était sur une streak de 5 victoires, aucune défaite en playoff. Comment vous vous sentiez? Mart, croyais-tu à ton hostie de miracle qui s'en venait? Même si c'était une game. Quel miracle? T'as manqué l'autre game, Alex, là, l'autre podcast. Non. C'était quoi le miracle? Non, mais Mark, il dit que si. Le Canadien battrait les Bruins. Si, ça va être un miracle, puis il va croire au miracle jusqu'à la coupe. Si on passe les Bruins. Non, sérieusement, non, c'est une game à la fois, là. C'est une game à la fois. Je pense que ça va être vraiment tough. Ah, c'est sûr. Je pense qu'on va s'en en 7, là, moi. Ben, ça va s'en en 7. Si on serait en 7, c'est comme on aurait perdu le momentum. Si on serait en 7, c'est... Moi aussi, je pense ça. Non, mais les games... C'est pour ça que j'ai dit en 6. Mais les games sont tellement tight que c'est sûr que ça va se rendre en 7. Ça va être à l'image, ouais. C'est pas sûr, mais... Non, mais tant mieux, s'ils se rendent en 6, ça, je vais être content. Ah, mais si on gagne en 6, parce que le Canadien gagne les deux prochains matchs. Mais là, faut gagner, ouais. Faut gagner à Boston au moins une game pour que là, on s'entend là, que la prochaine game, c'est Montréal qui a tout approuvé. Ouais, mais le Canadien pour scorer revient, des buts. Le Canadien revient souvent fort après. Ouais, mais Boston non plus n'a pas scoré. Non, mais c'est là. Correct. Puis Boston vient fort aussi. Ouais, c'est ça, c'est un but, un garbage goal. Tu sais, les deux, c'était 0-0. On n'a pas approuvé. Mais toute la game, ça a été. Hyper difficile, pis c'est okay, juste une histoire de... On vient-tu à la quatrième game? On parlera après. Du futur après. On y va avec la deuxième? La deuxième game. La deuxième à Boston. Défaite crève-cœur, là. Défaite de 5 à 3 du Canadien. Ah, mais celle-là, j'étais comme Chris, on va gagner. Je capotais. Ah ouais, ben... C'est... C'était 1-0 en première période pour Boston. Puis après ça, le Canadien a compté 3 buts sans riposte. Ouais. Puis les Blues. Jusqu'à 10 minutes de la fin. Les Blues ont compté 4 buts en 5 minutes que je pense. Ouais. 5 minutes 26 secondes. Les Browns, mais les top on va gagner, mais c'est jamais fini. C'est ça que les Browns, Chris, on devrait gagner, mais c'est pas fini. Ben, c'est le cliché du over until the jusqu'à temps que la buzzer sound. C'est le cliché du hockey qu'une game, c'est 60 minutes, puis ça, les gars, on pourrait changer ce terme-là. Ouais. It's not over until the fat lily sings, ça pourrait être. Non, it's not over until the Ginelle Renault sings. Ben, c'est finalement, on le laisse pareil. It's not over until the fat lily sings. Ça, c'est pas gentil. Mais. On l'aime, Ginette, là. Pas parce qu'on sortit le chandail 3XL qui fait. Ben, elle est pleine d'émotion. Une vraie boule d'émotion. Boule d'émotion. Game 2, y avait-tu quelque chose à dire vraiment sur ce game-là, à part des faits de crève-cœur? Il y a eu beaucoup de pénalités dans ce game-là. Ouais. Il y a eu 9 pénalités au total. 3 par Boston, 3 par le Canadien, puis 6 par Boston. Ouais, Boston s'est tout à pénaliser. Puis là, c'est là que Claude capotait. Ah, mais lui, il y a une pénalité de banc dans cette match. C'est là qu'il y a eu sa pénalité de banc. Il y a eu une pénalité. Attendez, je lis ici. Pénalité. Sean Thornton, langage offensant. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Il a envoyé chier tout le monde, puis il pète une coche au ref. Ah, ouais. Sean Thornton. Sean Thornton. Je pense que Thornton. On aime quand il se fait ramasser. Julien, il est comme en mode panique là, quand il a vu que les refs, il allait coter là-dessus, puis faire comme non, non, non, on veut pas de ça. Les refs ont décidé que la game se jouerait propre, puis eux autres, ils ont embarqué dans le train, puis je pense que Claude Julien, il l'a compris. Les refs font quand même un bon job. Les refs, sérieusement, on a les meilleurs. Je pense que de cette série-là, on a les meilleurs refs de la Ligue nationale en ce moment. Là, pour vrai, c'est eux autres qui arbitrent probablement le mieux. Là. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils savent que c'est la. Écoute, tu peux pas avoir une rivalité la plus chaude. Ben, c'est la plus grosse rivalité des quatre. Ben ouais, mais la dernière game, il n'y a pas eu de pénalité. Il y a eu quatre pénalités. Je pense qu'il y a des pénalités qui ont été calées qui n'auraient pas dû être calées, puis des pénalités qui n'ont pas été calées qui auraient dû l'aider, moi. Ben c'est parce qu'il y en a plein de calls pour la faire, mais il laisse les gars c'est jouer. Sûr, là. C'est parce que tu le calls pas au bon moment, c'est ça que j'aime pas. C'est important. C'est pour ça qu'on a déjà parlé en saison aussi, puis on les laisse jouer, oui, mais en même temps, c'est parce que... Moi, c'est le standard. C'est le standard. Gardez un standard, puis respectez votre livre de règlement tout le temps. Là. Ça devrait ouais, mais c'est parce qu'ils veulent pas devenir. C'est sûr, ils veulent jamais devenir comme. En série, je l'influence comprends. Dans le game. Ben, non, mais. En série, je comprends qu'on donne moins de pénalités, puis qu'on laisse les joueurs plus jouer. Mais si vous gardez un standard, ben maintenez-le. Ben, c'est parce que ça marche pas non plus ce que tu dis, Mart, qu'ils veulent pas influencer la game, parce que souvent, en collant pas la pénalité, ils influencent la game. Mais tu veux pas être un facteur. Tu veux pas être un facteur en disant parce que je l'ai décerné. Mais tu l'es quand on t'en descende pas aussi. T'as descendre quand c'est. Évident. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, des fois, t'as pas le choix. Là. Mais il y a eu beaucoup d'accrochages. Ouais, mais j'ai vu des affaires évidentes qui n'ont pas été calées non plus. C'est là que des deux bords. Des deux bords. Fait que. Je vais donner un exemple sur la dernière game parce qu'on parle des refs, puis on reviendra sur la dernière game. Là, mais il y a eu une pénalité qui a été sur Eller. Je pense que c'est Bartkowski qui a pogné la pénalité. Je me souviens pas si c'est Bartkowski. Pour holding, c'est parce qu'il l'a tiré à terre. Mais les deux se battaient pour la puck. Moi, je l'aurais même pas donné celle-là. Ben, il l'a collé pour Subban avec Marchand en arrière du net. C'est pour ça qu'il l'a collé. Ouais, mais je trouvais ça épais parce que tu sais, t'as donné pour celle-là, mais t'en as d'autres que t'aurais pu coller des bains. La pire affaire, c'est le hit sur Pacioretty en première. Puis le hit. Ah, puis il l'a eu sur Evelyn. Ouais, lui, il l'a eu. C'était la même chose. Puis ça, Pacioretty, t'as envoyé sur le ref. C'est quoi la différence? Ça, c'est celle-là qui m'a fait chier. Ça, c'est celle-là qui m'a fait chier parce que j'ai fait tabarnak. Il l'a bar. Pacioretty s'est fait Ah ouais. Solide, man. Puis Emeline est en border, puis lui, il pogne la pénalité. Et c'est bon, puis Emeline, mon gars, c'était limite. C'était juste limite. Il aurait pu laisser passer quand avec Pacioretty. C'est là qui me dérangeait. Game 3. Ouais, c'était une bonne game. Game 3, victoire de 4 à 2. Avez-vous été nerveux? Oui, c'est clair. C'est sûr que je fais une crise cardiaque, moi, avant la fin de la série. Max, il arrêtait pas de me texter. Je disais, là, je dis, il restait 2 minutes. C'est notre chum, Max. Il arrêtait pas de me texter. Je disais, là, je dis, arrête. Je dis, je peux pas, là. J'ai pas le temps. Dis, après la game. Moi, sérieusement. J'étais sur mon banc, moi. Faites-moi pas passer un électrocardiogramme par la game du Canadien, man. C'est sûr que je pète le test, là. Dave, je te confirme, je te ferai jamais passer un électrocardiogramme. N'importe quoi. Ah. Pas après, moi, je vais emmener ma petite machine à pression. Okay, prochaine game, Dave, on va passer le VO2 Max. C'est juré. VO2 Max. C'est gentil. Sur le basic. Il reste une minute, Dave, sur le basic. Quand je dis fête, je parlais pas nécessairement de toi. Moi, je fais de la high blood pressure. Ah, oui, ça. Ah, non, on en fait toutes, là. Puis, moi, je t'ai tout dit, puis je passe out. C'est quoi? Moi, je pense que c'est normal. Moi, je pense que mon cœur a arrêté de battre un moment donné. Non, puis on en fait toutes de ça, puis tu sais, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. C'est un problème. On va avoir une semaine officielle de ça. la semaine officielle du cœur qui bat plus, man. De genre, je t'assis sur le bout du sofa, là, pis je capote, comme tu dis. Pis que ma blonde me dit de quoi, pis tu fais juste comme ta gueule! Ma femme, elle descend, hey, tu sais qu'on lisse! Ma blonde, elle sait pas me parler, là. C'est pas vraiment pas de pas faire quelque chose. Deux affaires par rapport à la game numéro 3. Souban qui déplace le filet avec 10 secondes à faire. Tout à fait legit, ça. Attends, c'était limite. Très dangereux parce que quand il reste moins que 2 minutes, c'est tu déplaces la net, c'est des pénalités. Ils l'ont pas parce que tu vois vraiment qu'elle essaie de tourner. Il l'a bien. Ouais. Non, ben, Stéphane Auger l'a dit, puis je l'ai pas, Stéphane Auger, mais il l'a bien. Il n'y a aucun avantage à déplacer le net. Il était le premier sa possession. Ah non, je suis pas d'accord. C'est probablement pour ça qu'ils n'ont pas donné. Ouais, mais c'est parce que le rebound, il était proche en équipe. Non, non, il n'a pas que t'en arrêtes du net. Je suis pas d'accord. Ça bourdonnait. Souban savait ce qu'il faisait. Je suis sûr que c'est un débat qu'on saura jamais. C'était on purpose. Probablement qu'il savait ce qu'il faisait, mais en même temps, je reviens un peu d'accord avec Alex là-dessus, c'est que il savait ce qu'il faisait, puis c'était probablement un risque calculé. C'est juste que il y avait ça fout avantage. La chienne quand même. Ben, il aurait pu se faire coller un tir de pénalité là-dessus. Moi, je suis sûr que Souban, quand il a fait ce move-là, là, tout de suite après, lui et tout, il aurait fallu lui faire passer un électrocardiogramme parce qu'il s'aurait dit lui, ça tabarnak, je sais pas comment que ça va passer. Je sais juste, pas comment que ça va passer. Il a juste tourné trop tard. Il est rentré dans le mensonge. T'as-tu fait exprès? Non. Le juste à côté. Les waves dans le tapis. Ah, je suis sûr que t'as rien. Moi, je donne le bénéfice du doute, en tout cas. Ben, c'est sûr, toi, t'es vendu. Moi, t'es biaisé. Moi, je donne le biaisé, bénéfice, mais je donne pas le doute. Ouais, mais moi, j'ai le chandail d'un gars qui fait plus rien. C'est-tu qui fait des affaires, des foot massages. Hey. Le Revitive Booster, c'est pas juste des cucu massages. Depuis que je me booste les pieds... Le Revitive Booster. Donc, troisième game, une game très disciplinée. Ouais. Une pénalité de chaque côté. On a eu 28 tirs, 28 Boston, 26 Canadiens. Mise en échec. C'est là que le Canadien a dominé. 36-31 des mises en échec. That's weird. Oh. C'est une bonne statistique. mise au jeu, 50-50. Regarde. Ouais, ça, c'est un c'est, match. C'est, vrai, les mises c'est... au jeu sont vraiment sérieuses. Vraiment, à chaque fois qu'il y a une mise au jeu contre Bergeron, le joueur du Canadien se crisse à terre. On gagne souvent même. On devrait, tu vois, la tactique contre Bergeron, je suis. Se met à terre. Le petit Darnay fait bien ça souvent aussi. Il y a 5 pieds 8, esti, puis il faut qu'il y ait dessus. Il va sur la puck, esti. Qu'est-ce que vous avez pensé de la décision? Il y a eu encore plus de tirs bloqués par le Canadien en passant. Montréal, il doit être first dans les nationales, Weaver doit en avoir à peu près 30 dans la série. Bah, les jeux qui arrêtent ce gars-là, c'est terrible. C'est top. Ok, oui, la slide de... Ok, on est rendu là. Avais-tu d'autres stats? Ça, non, vas-y. La slide de hier. Qu'est-ce que vous avez pensé de la décision de Claude Julien de mettre Thornton puis Campbell avec 2 secondes à jouer dans ce match-là? Boston? Whatever, c'est vraiment. C'est une surprise. C'est plus qu'il va mettre des décisions de mal, plus je m'en colle. Tu vois qu'il était pas. Mais tu vois, c'est une décision niaiseuse, Même moi, j'aurais mis mon premier trio pour. Je sais pas, je trouve ça épais. Mais pas des groons, là, en fin de game de même. Pourquoi? Tu vois que le Canadien embarque même pas dans le jeu depuis le début. Là, tu penses qu'ils vont vouloir se battre, tu sais. Ben, c'est Boston. Je pense qu'il veut faire plaisir. Thornton essaie de pogner Murray, puis Murray, tu vois, il l'a payé hier. Ouais. Je pense qu'il veut faire plaisir à son crowd. Puis, il nous reste 2 minutes à période. Fait qu'allons sur le match 4. Ça va bien trop vite. Dernier match, défaite qui a fait chier. 1-0 en prolongation après genre même maudit pas 2 minutes. Matt Fraser à secondes. Sur un nasty garbage goal de Fraser. Matt Fraser, son premier match dans la Ligue nationale. Que genre, que juste comme donner un coup de bâton dans le tas puis à rentrer dans le net. Là. Mais une game de même, ça n'a pas le choix quasiment de se gagner ce garbage goal. C'est tellement comme... Ouais. Tout le jeu totalement. Probablement, Mark, mais ça aurait peut-être fait moins mal s'il avait été un beau but. Je trouve pas que ça fait mal au Canadien. Moi, je pense que ça aurait fait moins mal aux fans si ça avait été un beau but. Ouais, moi, tout, je dirais un goal. Ouais, un bon goal. Ils ont battu Price solide. Ça aurait pété comme plus la confiance. Mais c'est ça, mais moi, je pense pour les joueurs, c'est comme ça leur dit, Chris, on a vraiment perdu à cause d'un bad bounce. On a perdu une bataille avant du net. Ouais, non, ça pour les joueurs. On peut aller à Boston, on disait, on a pas perdu, on a perdu le match, mais en même temps, Chris, on mais là, c'est les playoffs. Fait qu'on efface, on recommence. On a volé le premier, ils nous ont volé c'est le quatrième. L'opposition était là. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça finissait d'un bord ou de l'autre. Ça finit comme avec mais un ils ont, ils ont pas volé beau. Le match. Ils ont pas volé le match. C'était un bad. Ils ont été chanceux dans la En troisième, on dominait. On allait, on commençait à augmenter. On avait à drive. La seule affaire qu'on était supposé de gagner. De toute façon, on a dominé. Ben non, on n'a pas dominé les autres périodes. Il faut juste la gagner. Je pense que dans les occasions de marquer, admettons, là, Montréal, on aurait eu plus. Je pense qu'on a eu plus de chances de marquer, que ce ne soit pas concrétisé. Ça, il l'a pas. C'est Chianta qu'ils ont eu beaucoup. Il y a eu des deux bords, je suis d'accord. Les poteaux dégainent là. Ce que j'ai remarqué de Boston, c'est qu'ils ont été capables de s'installer plus aisément dans notre zone puis de faire circuler le puck dans notre zone. À la pointe, puis tout. Mais Montréal, ils ont eu plus de misère à faire ça. C'était plus comme sur des turnovers puis aller genre sur des... Mais souvent, le puck arrivait sur la palette à Gianta, puis Gianta n'a juste pas été capable de concrétiser absolument rien. C'est lui qui a eu le plus de chance. En troisième, on contrôlait la game. Là. On a eu le double de lancer deux autres. Dans une game encore qui a été disciplinée, là. Il y a eu genre trois pénalités. Quand Don Cherry qui est le bout sur le c'est ça. Gars marionnette. Fait que trois pénalités totales, mise en échec encore 40-32 pour les Bruins. Fait que tu sais, ouais, ils nous ont dominé là-dessus. Ben tu sais, ça je te dis, ils sont repris pour l'autre game. Ah ouais, ils ont été plus physiques, mais. Mais en tout cas, je pense que l'histoire de ce match-là, c'est comme le hockey, avant d'être un sport physique, avant d'être un sport de rapidité, de précision, c'est un sport d'opportunité, puis le Canadien n'a pas été opportuniste. Un game-là. Jeu d'erreur. Je reviens encore sur la stat. C'est ça pour vrai, là. C'est l'opportunité. Ouais, c'est ça. Il y a eu premier qui fait une erreur. Je reviens encore sur la stat, c'est lancé bloqué, là, 20 par le Canadien encore de cette game-là. Non, mais ça, j'aime pas ça, parce que ça veut dire que t'es sur le cul, puis l'autre, il tire dessus. Moi, c'est pas un puck pendant ce temps-là. Moi, ça me fait chier. Mais non, mais ça veut dire que les joueurs. J'ai déjà dit ça dans la saison. En même temps, ça veut dire que les joueurs se sacrifient pour son mais jeu. Montréal veut gagner, man. Mais Montréal, ils font autant quasiment la saison régulière en plus. C'est ça qui est clair. Ouais. C'est avec des gars comme Georges, là. Mais sur 20, est-ce que tu prends les tirs? Murray doit en avoir à peu près 18. Si tu prends les tirs cadrés, les tirs qui ont été bloqués, puis tout ça, ils nous dominent là-dedans. Ils tirent bien plus souvent vers le net. Ouais, il y a plus de tirs. Ben, je pense dans la première game, il disait qu'il y avait eu 51 tirs qui avaient atteint la cible. C'était comme 100. C'était comme presque une centaine de tirs total qui avaient été envoyés en direction de Price. Non, mais veux pas, en trois périodes de jeu, en temps réglementaire, la dernière game qu'il y a eu, Boston a pas percé le mystère de Montréal pareil. Non. Ils ont pas été capables de s'approcher tant que ça de Price. Puis la même affaire pour Montréal, moi ça me laisse vraiment, il y a une opposition qui était vraiment comme je trouve hier, vraiment égale. Boston, ils ont changé le style, ils jouaient beaucoup plus, on était de la misère à rentrer dans la zone. Puis Montréal, la même affaire, ils étaient tout le temps comme repoussés sur le bord des bandes. On était pas capable d'aller dans le slot, dans le milieu. Puis comme je dis, les shots qu'on a eu la chance de l'avoir, ça s'est pas concrétisé, ça a pas rentré. Hein. Rask a aidé sa meilleure game. Hein. Eh ouais. Bon, mais en même temps, c'est vu que Boston ont joué de la façon qu'ils ont joué, ça l'a beaucoup aidé, puis ça l'a mis en confiance. Mais ça a été quand même son meilleur match. Mais c'est ça, faut utiliser plus notre vitesse. Ah, mais... Dans le fond, là, Boston... Pour la prochaine game, faut utiliser notre vitesse. Là. Pour Boston, il avait besoin d'une game de même de Rask, puis il l'a donné hier. Il va-tu être capable de la donner hier? Ben, vous dites que le directeur général, il est rentré dedans, tout ça, je pense que ça l'a fait fouetter un peu. Il a dit, OK, ça a peut-être réveillé un peu, là, Peter. Moi, je pense que la prochaine game, là. Les astis lunettes, le chauve avec les lunettes, là. Qui dit que tous ses joueurs sont clean. Hey, puis il y avait. Botman était dans l'assistance. Ah, ouais, ouais. Avec Donald Fair à Montréal. Yeah, ouais. Donald Fair. Parce que. J'espère qu'ils ont payé le billet. Il aime la série parce que ça rapporte plein de cash, man. Ah, oui. Il était là. Puis il était dans la plus grosse rivalité de la Ligue nationale. C'est la série des séries, là. Hey, t'as deux Original Six qui s'affrontent. Puis c'est comme la plus grosse rivalité. C'est 2-2 en plus. C'est égal. Ça te gosse? Je veux dire, c'est l'histoire. The Original Six? Non, je vais parler à la NBC qui contrôle les astis d'horaire des playoffs. Midi et demi, toi, là? Non, mais c'est eux autres, c'est comme samedi, là. C'est là que je vais contre TV. Quel match que NBC va présenter? NBC, dans le fond, c'est le plus gros contre TV. Non, mais samedi prochain qui s'en venait et tout, ça a été long avant qu'ils disent, en fait, ouais, mais la deuxième game à Boston était à midi et demi. Mais ça, c'est à cause qu'il y avait le Kentucky Derby en soirée. Ah, c'est dégueulasse. Ils voulaient mettre ça avec les Rangers, qu'il a joué plein de matchs à cause de ça, man. Ouais, mais c'est ça qu'ils disaient. Boston, c'est quoi? Ils jouent une douzaine de games par année en après-midi à cette heure-là. Nous autres, Montréal, là, c'est genre la game avec les kids là, qui viennent. On perd tout le temps les games de Super Bowl. On joue tout le temps comme de la merde, man. Puis Boston, on joue, puis gagne. Ils ont un dossier. Ils sont habitués. 10 victoires, 2 défaites en après-midi. Ils sont habitués, ils en jouent plein. Hey, midi et demi, tabarnak, tu déjeunes, man. Tu manges un bagel, tu vas jouer du hockey. Ah, c'est con. Tu peux pas être aussi pire que la game aux Olympiques à 7h le matin. Ouais, mais sauf que, tu sais, en même temps, Batman. Mais dans leur tête, dans leur corps, il était 8h le soir. En même temps, Batman, il s'en calisse parce que lui, l'important, c'est l'argent. Cash, man. Mais c'est juste en tout cas. Fait d'après moi, avant tout, c'est une business. C'est tout ce que je veux me dire avant de l'emporter. D'après moi, là, Batman, là, je sais pas, mais je suspecte d'avoir déjà fréquenté Rocco Magnotta. Fait qu'avant d'aller en deuxième entrée, je propose qu'on se garde sur ce super sans effet. Non, ta bague de la Coupe Stanley, elle m'en a pas, toi. Tu vas ton rang Chris, toi. Toi, là, bon joueur, ferme ta gueule. Non, mais moi, je vais pas parler. Toi, tu vas fermer ta gueule. Mais la meilleure line à Brisebois ever, pareil, là. T'as de la misère à trouver une job. C'est vrai qu'Hartley travaillait pas dans ce temps-là. Il était quasiment en train de retourner livrer genre du coke, là. Tu sais, genre. Breezer a quand même chié dans les coins. Mais Chris Breezer, il a ses bagues de Coupe Stanley et tout. Mais c'est vrai qu'il a chié d'un coin la shot avec McLaren qui avait blasté Zednik là, dans un coin. Là. Ouf. Fait qu'on prend une pause puis on revient pour la troisième période. Est-ce que j'ai la gueule d'un râtelier à flanc? Qu'est-ce que je vais foutre avec un râtelier à flanc? Ouais, c'est ça, c'est encore plus drôle que juste un gun rack. Ouais. That's good. On est de retour pour la troisième période. Et on fait notre entrée dans la zone Around the NHL. Around the NHL. Un râtelier à flingue. Il n'y a pas grand chose parce que là, les séries sont bon, mal avancées. Okay, bonsoir tout le monde. Non, ben ok, on commence par. Je suis sorti avec mes chums de filles. Bon, on a dit qu'on parlait plus d'Alak, fait que c'est la seule fois qu'on va en parler. Alak, encore une fois, échangé. Pauvre gars. Hein. Islanders contre. Pauvre, en fait ils ont échangé ses droits en plus. Ah ouais? Les droits pour négocier avec, parce qu'il s'en contrôle, lui, là. Ouais. Hey man, ça veut dire peut-être qu'on va faire... Quoi, il a fait Blues, Buffalo, Washington, Islanders. Peut-être qu'on va changer encore. En plus, là, contre... 5 teams un an. Contre un choix de 4e ronde. Hey man. Non, mais... c'est fucky, il était bon avec les Blues. Il... Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est correct qu'il se promène. Il a déchargé Meller, puis ils sont fait éliminer en première ronde. Ouais, est-ce que c'est vraiment la faute de Meller? C'est pas la faute de Meller. Sérieusement, les Blues ont amélioré leur sort en allant chercher Meller. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Backus? Ça les a même affaire. Ouais, carrément. Ouais. Mais je pense qu'ils ont choqué. Puis Joe Oshie aussi, il était pas blessé au début, genre. Ouais, je pense que oui, je m'excuse. Ben, c'est pas la première fois qu'il choke le Blues. L'année passée, il y avait encore des chances aussi d'être assez performant. Sharks, genre. Ouais. Moi, je pense que oui. On peut pas dire ça encore. Ben, malheureusement. Ça fait 15 ans qu'ils chauffent. Non, mais les Blues, ils ont leur. Là, c'est eux autres. Leur fenêtre est là. Leur fenêtre est là. C'est l'équipe dans la Ligue nationale en ce moment qui ont une fenêtre d'opportunité qui est là. Ils ont pas pris la chance. Ça dure une couple d'années d'habitude. Ils ont pas d'expérience à playoff. Ouais, mais c'est ça. Je pense. Puis, tu checks San Jose, ils sont capables d'avoir. Ils ont l'expérience. Ils ont vu la stie de Poutine. Ça fait 5 ans, 6 ans. Ils ont vu neiger. Ils ont vu neiger, mais non, Chris, ils se donnent pas. Le meilleur qu'ils ont fait, c'est 3 rounds. Il n'y a pas de neige en Californie. Mais man, pour de vrai, les joueurs. Oh, Dave, esti. Ouais, j'ai reçu un son. T'as mis un peu de pied. Ben ouais, il fallait bien, à un moment donné, les jokes plates qu'on fait. Chris, ça prenait bien ça. On a Gilles la tulipe dans la place, esti. Il est où? Ciel, mon mari. Gilles. Ouais. C'est l'équipe de Choker, c'est ça que je te dis. Les meilleurs joueurs sont pas capables. Ils ont choqué, man. Ils soquent des battes. Ouais. Ils soquent des battes. Des hosties de gros battes. Avez-vous vu hier, Drew Doughty se ramassait tête première dans le banc des Ducks? Oui, ça là, c'est trop drôle. Man. Il s'est fait plaquer par derrière, puis il a fait un flip, là, puis... Il était comme plus capable de revenir, ouais. Là. Personne l'aide, en plus, quand même. Mais non, c'est sûr, man. Même que tu y collises des petits coups de patin, là, on dessert, Mais les gars des Ducks, c'est crampé. Tout le monde t'a comme crampé un peu, de voir ça. Il a vraiment fait un flip par-dessus la bande, puis il s'est ramassé dans le banc. Les jambes dans les airs, puis tout. Ouais, front flip, 360, puis les patins dans les airs. Mais tu vois juste comme deux pattes. 360, il reviendrait sur ses patins, là. Ah, ben, ok. Mais tu vois juste comme ses deux pattes dans les airs, puis il est comme pas capable de revenir debout jamais. Là, il est comme pas comme un gars à lutte qui passe par le troisième code, mais inversé devant le premier. Là, il a fait un flip. Là. Oh, nice. C'était cocasse. Bon, fait que ça c'est réglé. Voilà, check. On règle ça, check. Les Panthers de la Floride qui ont congédié leur coach. Peter Horachek. Les Panthers! Arrivé pour rien. Les Panthers de la Floride! Ils vont aller chercher Barry Trotz. Barry Trotz. Ouais, mais. La chaude. L'homme pas de coupe. L'homme pas de coupe. Le gars dumpty. Il a l'air d'une canne de thon. En fait, son cou, c'est une canne de thon. C'est le coach qui était là depuis le plus longtemps. 15 ans, man. On l'a dit la dernière fois, il a mis un panneau publicitaire dans la ville pour lui. Thank you. Thank you, Trotz. Really? Ouais. Puis tout le monde s'en colle, ça, ouais, ça, man. Juste, là. Mais bon, ouais, ça, c'est chill. Hockey, ouais, c'est probablement un gars qui joue de la musique, là. Ça doit être un genre, un gars qui joue du country. Il est mort, tu sais. Ils se sont craqués une toune de Johnny Cash dans le pick-up, là, comme, ah, il y a du recordé bien du monde. Yo, cracking beer. Pour de vrai, nobody cares about the coach of the Panthers. Ouais. C'est quoi son nom? Peter Horacek. Horacek. On va s'en rappeler. C'est le gars qui jouait pas Weaver, ça. Elle n'a pas compris. J'espère que t'as. C'est le gars qui benchait Weaver. J'espère que t'as Ron Extall qui est rendu DG de. Oh, c'est plus loin, ça. J'ai ça dans l'autre page. Okay, mais on peut y aller direct, si tu veux. Ben, tu viens d'en parler, allons-y. Ben, je trouve ça malade, là. Ron Extall qui est rendu. Je sais pas s'il va apprendre. Directeur général des Flyers de Philadelphie. Emery, c'est encore des Flyers. Il va y montrer comment donner des bons coups de bord. Ouais, Emery, il n'a pas besoin d'Extall. Il paraît que ça va être un assez bon des. Non, mais il a pris de l'expérience. Non, avec mais les Stars, il est super tempéré comme DG. Oh, ouais, là, apparemment. Je trouve ça drôle de voir Extall, mon gars, le gars qui décochait des coups de bâton dans la gueule des autres joueurs, puis il est rendu DG. Un homme avec un complet, mon gars. Les cheveux lichés par en arrière. Là, mais l'affaire qui est bizarre, respectable. C'est qu'ils n'ont pas slacké comme Holmgren. Elle l'a envoyé comme président. Mais en principe, ce gars-là, il aurait dû comme lever les pattes carrément de l'organisation. Ils ont fait un genre de cadeau. Non, mais le propriétaire des Flyers, c'est comme Lou Lamoriello. Il veut garder le pouvoir. Mais c'est pas ça, il est fidèle à ses. Il ne mettra pas dehors. C'est dommage pour eux autres parce qu'ils vont pas nécessairement tout le temps dans la bonne direction. Tu sais, je veux dire, Philadelphie, c'est une équipe qui est comme constante malgré tout. Si je finis leur Twilight Years, eux autres, c'est à rebâtir bientôt, ça. Ouais, non, Chris, Chris, quand t'as Giroud comme. C'est le seul joueur que j'aime. Non, je pense que c'est pas une équipe plate. Pour moi, Philadelphie, non, c'est pas une équipe plate. Moi, j'adore checker les matchs de Philadelphie. Ils brassent tout le temps. Ils sont plus comme avant. Ils sont plus. Je trouve qu'ils ont perdu les deux. Ouais, non, avec Wayne Simmons, le noir. Ouais, mais il y a lui, Hartnell, puis Giroud. Puis Hartnell, sérieux. Voracek. Je m'excuse, ils ont Sean Couturier. Ah, il est poche. Je l'aime pas. Il est pas bon. T'es malade, il est poche. Hey, les gars, checkez les games des Flyers. Ils ont besoin de sport. C'est intéressant. C'est intéressant, les games des Flyers. Les Flyers, je les aime pas. Ben, moi, je trouve que c'est un équipe que j'aime bien. Qu'on a perdu. J'ai checké toutes les games des séries, man. Pas mal plus que les Rangers à New York. Attends qu'on a perdu en troisième round. Non, mais les Flyers. Si tu veux me parler d'une équipe que je trippe vraiment pas, là, que j'ai. Je vibre zéro là, pour eux autres. Là. Les Rangers, avec le Zesty Drake Nash, ils ont perdu leur âme en envoyant Callahan. Ouais, 5-1, man. Oh! Ouais, c'est pour la maman de. Moi, les Rangers. Ils ont gagné pour la maman de Martin Saint-Louis. Moi, je prends pour les Rangers dans cette série-là. Oh, Chris, qu'ils sont dolles. C'est-tu que j'ai les Rangers? Encore là, je veux juste changer. Je suis d'accord avec Mark. C'est une équipe dolle. Je veux juste voir les Rangers parce que je veux voir quelqu'un d'autre que les Pingouins. Lundquist is overrated. Ouais, moi, tout, je suis d'accord avec ça. Ben, cette année, il y a une mauvaise saison. C'est sa première mauvaise saison. Il jamais été bon en série, ce gars-là. T'es malade, man. Ouais, quand il a été bon en série, ce gars-là. Ouais, mais il n'y a pas de team en avant de lui. Il y en a eu des teams en avant de lui, man. Longvist, man, c'est un des meilleurs gros. Il y avait Gomez pendant un moment. C'est un très bon gardien. Mais je suis d'accord avec Gomez. Moi, tout, je suis d'accord qu'il est overrated. Les oreilles saignent. Il est bon d'impad, c'est tout. Ouais, mais il est vieux, là, et tout, là, pareil. Là. Il a été repêché très tard. Il est rentré dans la Ligue nationale. Il a une prolongation de quoi, 6 ans, genre. Il est pas si vieux que ça. Ben, je le garderai dans mes rangs, moi, tout, là. Ouais, il débute 30 ans. Mais non, il est bon plus vieux que ça. Non. Mais oui, Chris, check son âge. Check son âge. Il doit avoir 35 ans, donc, Chris. Pendant ce temps-là, on passe au prochain point. Ouais, mais quelque chose qui était évident. Bon, vous trouvez ça, boys. John Tortorella. Il est en 82, il est plus jeune que moi, il a 32 ans. Hein? Bon, en tout cas, il est très pêché tard, là. Il est chier. On a raison. Check. Donc, ouais, je disais, Tortorella, finalement, renvoyé les Canucks, c'était prévisible. Ben ouais. Dude. Écrit dans le ciel. Linden, ben pour de vrai, Linden, je suis pas d'accord que tu sois là, anyway. Là. Ça, c'est un show boucan, ça, mon gars. Là. Linden, non, ça n'a pas rapport, ça. Ouais, moi, je trouve que c'est juste pour les partisans. Ben non, mais ça c'est l'affaire. On veut reconstruire notre équipe. Ça, c'est genre, on veut reconstruire notre équipe avec le passé. Puis c'est comme. Ça, c'est comme quand on a amené Peanut puis Mario Tremblay à Montréal. C'est la même style d'affaire. Puis Gainé. Puis aller chercher du monde qui ont gagné à coupe, esti. Puis la même style dans le dormitoire. Va chercher du monde compétent. Puis arrête d'essayer. Ça marche plus, l'histoire de il a déjà gagné à coupe. La game, ça joue plus de la même façon. Anyway, les Canucks, ils ont plus de goalers. Non. Ils ont tradé leurs deux goalers. Ils ont été pognés, ils ont été mal baisés dans cette histoire-là. C'était un mauvais move, là. Ben, c'était un mauvais move. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ils ont tradé Schneider pour garder Luongo. Parce que ils ont tradé Luongo, puis ils sont pognés avec lui. Oui, parce qu'il y avait un dilemme à faire. Parce que Schneider, lui, il voulait jouer numéro 1. Mais quand tu fais ça, tu t'arranges pour t'en garder un. Ah oui, tu gardes Luongo, tu fais ton choix. Move de merde. Tu restes. Ouais, mais tu gardes pas Luongo quand tu veux s'en aller. Tu peux pas deviner que Luongo, il allait chier dans la panne, puis que ça marcherait pas. Il a pas chié dans la panne cette année. Il voulait encore crisser son camp, puis après. Il était malheureux, les fans, il s'est fait trahir par ses fans. Il s'est fait dénigrer. Il voulait coller son camp, man. Il y a bien des joueurs qui auraient collé son camp avec Tortorella qui était là, man. C'est ben avant Tortorella. C'est ben avant ça. Là, ça date de 3-4 ans. C'est avant ça quand même, mais ça n'a pas aidé, man. C'est tout. Le malaise d'âme de lui qu'à Vancouver a tout en chien en playoff. Depuis 2010, c'est en 2010, les Vancouver. Ils ont tout en chien en playoff. C'est depuis ce temps-là. Le divorce est fait depuis ce temps-là. C'est en 2011. C'est là que les partisans ont commencé à le faire chier pour dire que c'est un choker. Bad move par-dessus bad move. Ils l'ont mis capitaine, ils ont mis de la pression. Le seul goaler, le premier goaler de l'histoire à être capitaine. Ouais. Tu sais, anyway, docteur est là. Chris, je sais pas si on va trouver une job ailleurs, j'espère que non. Moi aussi. En tout cas, c'est comme les Sutters. Tu sais, à un moment donné, les frères Sutters, c'est temps que ça en a. Ça marche plus, ça. C'est fini. Ce genre de coach-là, ça fonctionne plus. Mais il y en a encore. Bob Hartley, c'est un coach de même. Bob Hartley, ça finit. Bob Hartley va finir. Il est moins incroyable. Ouais, Hartley, il est pas facile. Non, il est pas facile, mais je pense pas qu'il. Ouais, mais il gueule beaucoup moins que Tortorella. Tu le vois, check là en arrière du banc, man. Ouais, non, c'est pas la même affaire, mais dans la chambre, c'est dans la psychologique des joueurs. Il fait juste gueuler Tortorella. Ouais, mais Tortorella, il est négatif tout le temps. Il fait juste gueuler partout. Il gueule en arrière de son banc. Il doit gueuler dans la chambre. Il gueule devant les médias. Il fait. Tortorella, le pire de lui, c'est vraiment. Ouais, je l'aimais pas quand il était pour le Lightning. Non, non, mais moi, au début, là. Je suis zéro un fan, mais je veux dire, Tortorella, le pire, c'est ce qu'il dit des médias. C'est comme. C'est-tu qu'il se tire une balle à chaque fois, ce gars-là. Là, ça n'a pas de crise d'allure. Il a deux pieds troués. Oh, en restant dans les congédiements, il y a Kirk Muller et ses assistants qui ont été congédiés des Hurricanes de la Caroline. Ça plaît pour lui après un an et demi. Ouais. Tu n'as pas donné une chance. C'est la même affaire qu'il Carbonneau. Il y a Muller. Quand, là, quand t'as un changement de direction, man. Muller, là, qui retourne là, dans AHL, là, qui aille refaire un petit peu là, de travail, là, puis qui va se retrouver une job, je suis sûr et certain, parce que je pense qu'il y a le. On disait ça, Guy Carbonneau et tout, puis est-ce qu'il y avait eu des saisons victorieuses? Ouais, mais. Il y a un dossier victorieux, je pense, Guy Carbonneau. Ah oui, il y a un dossier victorieux. Bonne chance de retrouver une job, mon homme. Il y a des. Non, fini. Ouais, il faut qu'il retourne dans le junior. Il faut qu'il retourne là, dans les rangs mineurs. Puis il faut qu'il refasse ses classes. Puis ils veulent pas, ces gars-là. Ces gars-là, ils veulent pas parce qu'une fois qu'ils ont goûté à la Ligue nationale. Kirk Muller, il a été assistant à coach à la Ligue nationale longtemps. Il peut peut-être retourner assistant à coach. Ben, Kirk Muller. En même temps, regarde, Jacques Martin est retourné assistant à coach pour les Pingouins. Moi, je pense que Kirk Muller. Il a plein d'expérience. Fait que tu sais, je pense que Kirk Muller pourrait le faire. Jacques Martin était DG pour les Panthers. Ah, mais lui, il a fait n'importe quoi. Il a tout fait. Je pense qu'il veut juste être là. Dans le fond, lui. Les trois trous. Hey, sérieusement. Mais Muller, pour vrai, je pense que c'est quelqu'un qui est pas mal plus proche de ses joueurs. De ses joueurs. Puis l'aspect communiquer avec les joueurs, c'est pas mal mieux que Carbonneau, bon à mon avis. Mais ben, moi, je pense que c'est un coach qui pourrait avoir une bonne carrière dans la ligue s'il veut continuer. Mais il veut, c'est sûr qu'il veut. Mais il va falloir qu'il descende. Ces gars-là, ils ont habitué. Il va falloir qu'il retourne assistant pour. Au moins assistant pour pouvoir faire ça. Ben, moi, je dis que non. Assistant, là, les seconds violons, c'est pas pour lui. Faut qu'il retourne dans AHL puis il va se retrouver un poste. Il va en avoir du congédiement puis ça continue. Ouais, je suis pas mal sûr. C'est ça qu'il faut qu'il refasse. Faut qu'il gagne ailleurs puis qu'il refasse ses classes avec des kids. Moi aussi. Les Kings deviennent la quatrième équipe de la Ligue nationale à remonter une série de 0-3 et la gagner. Et c'était malade. C'était malade. C'est arrivé trois fois en 175 occasions. Fait que t'es bien content. C'est arrivé 1,7% du temps que de 3-0, il y a une équipe qui réussit à remonter. Sur ça, ça m'amène à notre quiz de la semaine. Ah non. Pas un quiz. Hey, le quiz de la semaine. Là, c'est eux en Christian, par exemple. OK. C'est quoi les autres teams? Ouais, c'est qui les trois équipes, c'est quoi qui ont réussi à remonter? Philadelphie. Attends. Hein? Philadelphie en quelle année? Hey, t'as peu excuse, là. C'est quoi la question? Quelles sont les trois autres équipes qui ont remonté un déficit de 0-3? Philadelphie, c'est des années 2000. C'est comme 2008, 2009. 2010, c'est les Flyers contre les Bruins en finale de l'Est. Ouais. Okay. Avant ça, il faut remonter en 1975. Fait qu'il y a des gros gaps, là. De ben là, c'est Montréal. Non, je pense Montréal. Montréal, pas la fête. Toronto? Non. Eh non, pas Toronto. Non, c'est les Islanders, encore de finale contre les Pingouins. Wow. La, la, l'époque de Mike Bossy. Fameuse époque. Et l'autre, il faut remonter jusqu'en 1942. C'est un tabarnak de Détroit. Détroit, c'est ceux qui se sont fait remonter en 42. Contre les Rangers. Non, contre les Maple Leafs. C'est vrai. Sérieusement, puis ça, c'est une autre affaire que j'ai. Ben, je dis Rangers aussi, je suis vraiment dans les patates. J'ai vu en plus que les Rangers ont jamais remonté un déficit de 1-3, dans le fond. Là. Ils sont dans l'histoire de la franchise, ils ont jamais remonté. De tirer de l'arrière là, de remonter la série puis de la remporter, ils ont jamais fait ça de l'histoire. Fait que c'était mon quiz de la semaine. Puis ici la situation actuelle des ben non plus maintenant. Ben là c'est 3. Ils ont gagné à soir là, c'est ça? Ouais, ils ont gagné à soir, 5 ans. Cool. 3-2 maintenant, c'est 3-2. 3-2. Hey, puis dans cette série là en plus de ça non, là. Non, c'est 3-1 non. Non, 3-2. Là, il avait gagné le premier, c'est vrai. Ouais, là, c'est 3-2 Pittsburgh. Mais sur le site, c'est pas à jour, fait que... Mais Pittsburgh, là, pour vrai, là, il y a une mention honorable, là, pour vrai, là, c'est Marc-André... Ouais, mais Fleury, là, il est le premier, mon gars, dans la Ligue nationale... dans les playoffs en ce moment, c'est lui qui avait le plus haut pourcentage d'efficacité très récemment. Là, ça a été dépassé un peu. Mais Fleury a fait une très belle remontée parce que il avait l'air d'avoir Fleury, gars, le meilleur efficacité, pourcentage d'efficacité, c'est là il est comme 3-4 là, je pense. C'est Rask avec 941. Après ça t'as Crawford. Non, dans 929. Ça c'est pas pendant les séries. Playoffs, les séries, ouais. OK, parce qu'on le Canadien comme un 8 il est en mode Crawford 929, non, série totale là. Fleury 922, Price 921, puis Quick 920. Parce que contre le Canadien, il reste à comme 893. Mais Fleury, le premier, c'est lui qui a le plus de wins en mais ce moment. C'est différent, ça, le problème. C'est lui qui a le plus de victoires. Ça, des séries. On l'a juste en tête. Ouais, mais c'est un Chris de belle remontée, pareil. Parce que, v'là pas longtemps, Fleury est remonté. Il a passé d'une moyenne. Fleury va choquer comme tu choques tout le temps. Il va chier dans les coins, Fleury. Ouais, c'est ça qu'il va faire. Ouais, mais c'est ça. Crosby, Scopo. Ouais, mais il a chier. Fleury. Ouais, mais là, ils ont mis Malkin, Crosby ensemble. Avec quand même. Ouais, mais dans la dernière série, Fleury, là, il a été remis en question, mais solidement. Il va encore solidement. Si mettons le Canadien gagne puis Pittsburgh gagne, je suis sûr que le Canadien va gagner contre Pittsburgh. Ouais, mais il démontre la combativité parce que là, il revient dans le game puis il a été solide. Sérieusement, il a été très solide dans la série contre New York. C'est contre les Rangers qui est de la merde. Si Montréal. Hein? C'est contre les Rangers qui sont de la merde, tu l'as dit toi-même. Il n'y a pas d'honneur là-dedans. Là. Ben, c'est pas grave, parce qu'il aurait pu se faire passer des gars. Si Montréal gagne contre Boston, là, j'aime nos chances de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Là. Ah, oui. Sérieusement, là, dans une série, dans une équipe, là, ton goaler, là, c'est le deux tiers de ton équipe, c'est ton goaler. D'une game, là, c'est ton goaler qui est le deux tiers de ton team. Man. Exactement. Solidement. Tout à fait d'accord. C'est combien de tiers, Marc? Petite nouvelle pour notre auditoire geek. NHL 2015 sera disponible cet automne sur Xbox One et PS4. Fait que finalement, un jeu de hockey sur Next Gen, ça s'en vient. J'ai hâte de voir. Je vais probablement l'acheter. Ah, moi aussi. J'ai skippé, là, mais là... Ouais, j'ai skippé 2013. On se partira la ligue de la soirée du podcast là, là-dessus. 2014. On donnera des nouvelles là-dessus. Ah, 2014, c'est vrai. Ça devrait être super le fun. Ça va être écœurant, Marc. Les gilets, ils bougent différemment. Ils arrêtent les bodies. Il y a au-dessus de... Le touchpad va rentrer pour faire des deckies. Il y a au-dessus de 3000 modèle de partisans différents dans full. Ah ouais, oh. Ah mais ouais. Le jeu. Avoir, c'est juste les fans qui changent, Il peut avoir des sections. Non, mais ça a l'air que toutes les phases des joueurs. C'est plus comme sont, en 97 qu'il y a de la foule, ça va être un gros flaque de foule. Le one-timer puis le wraparound marche encore. Les bugs. Ils modifient tout ça, mais tout. Les bugs de base, les bugs, ils laissent. Tout marche. Je veux pas, quand même, que tu augmentes tout le temps les consoles, je veux dire, reste tout le temps comme que ça. Il y a tout un glitch. Il y a tout un fuck-up à quatre là. Là, ils vont le patcher. Puis là, après vous ça, votez pour Subban? Moi, j'ai voté. Ouais, allez, j'ai voté pour Subban. Ouais, moi aussi, j'ai voté. Je suis pas allé voter. J'ai voté plein de fois. Groupie comme vous autres. On est tous bandés Subban, nous autres. Ouais, j'aimerais ça avoir Subban sur le cover de mon jeu. Joueur du Canadien. Ouais, c'est bien, vous autres, si vous tripez, c'est... Censuré, je l'ai pas dit. Voilà. Ah, voilà. Bon, Boston de fan que j'ai. Est-ce que ça serait pied de nez aux fans de Boston d'avoir un noir sur la absolument. Couverture? Tu parlais qu'on était fan d'un petit noir là. Hey, moi j'ai rien dit, man. Il y a Peter Laviolette qui devient le nouvel entraîneur de Prédateurs de Nashville. Tu fan des petits noirs? Peter Laviolette à la merde. Ouais, il est un job, lui. Hey, je l'ai. Ben, c'est un très bon coach. Ouais, mais je l'ai pareil. Tu l'ai pour les mauvaises raisons. Ouais, non, je l'ai pour les bonnes raisons parce que c'est un bon coach. Je l'ai parce qu'il joue pas pour nous autres. Il est pas pour nous autres. Je suis pas un fan de Peter Laviolette, mais il me dérange pas. Oh non, ben non, c'est un petit bon coach. Un coach comme un autre. Et non. Ah. On a appris hier, parce je pense. Il était pour les Flyers, là, fait que tu fait une bonne job, c'est un Chris de bon. Bonne job, ils n'ont rien fait. Prolongation de contrat de 2 ans pour Randy Carlyle. Ça, c'est ridicule. Entraîneur-chef des Maple Leafs. Et par le fait même, les Maple Leafs nous affirment qu'ils ne feront pas les séries pour les 2 prochaines années. Ouais, mais c'est fou, ça. Ben lui, il sera plus là au mois de décembre. Ils feront pas les playoffs, là, ouais, encore, là, pour 2 ans. Randy Carlyle qui a bashé son goaler. Brendan Shanahan, le gars. Sérieux, James Reimer, là. Reimer! Ouais, mais excuse-moi, genre ton goaler il marche pas là. Ça, quand tu commences à bâcher les joueurs, quand tu commences à bâcher des joueurs sur la place publique, sais-tu quoi? Ça vaut pas mieux que le John Tortorella que t'as eu. Oh, non, ça vole pas plus haut. Et comment ça faire ça? C'est quoi? C'est que t'as plus de solution, t'es dans le trouble, tu sais plus quoi faire. J'aime pas le coach. J'aimais pas ce coach-là. Non, mais comment l'affaire, c'est comment qu'il va faire ça? Tu sais, quand il a rencontré Shanahan, puis ils ont tous crissé les assistants dehors, first of all, puis ils ont gardé le head coach. Qu'est-ce qu'il a dit pour dire, ben là, si on a perdu, c'est pas ma faute, c'est toute la faute de mes assistants. Moi, je. C'est comme, pourquoi les autres ont dit, lui, gars? C'est ça, c'est. What the fuck? Sérieusement, là, les Maple Leafs ont le même malaise que Montréal a eu pendant un crise de bout, pendant qu'on a été pris avec des organisations. Puis, tu sais, genre du head coach, puis des DG. Ils sont pris avec la mais même astuce de patente. Que lui il a choisi ses assistants. Il passe pas les fights. Carlisle, lui, a choisi ses assistants. Fait que tout le coup, c'est chum dehors. Puis Shanahan, il a dit des mettre dehors. Puis quoi, il rengage qui. Puis. Ouais, non, mais t'as peur. C'est un attendant parce qu'ils sont pas capables de faire quelque chose. Mais tu l'as pas 2 ans en attendant, Carlisle. Ben, tu t'en cales. Dans le fond, tu donnes 1 an. Puis l'autre année, je te paye juste parce que ça va paraître bien. Ouais, mais tu t'en fous, lui. Je veux dire, il paraît pas, c'est à ma salaire. Tu l'achètes. Puis ciao, bye, man. Tu vas trouver quelqu'un. Là, Michel Therrien, l'année prochaine, c'est sa dernière année. Right. Fait que là, quoi, il dit lui, même s'il fait pas les saisons, les séries, il gagne. Il a 2 ans de salaire parce qu'il fait, il fait rien. Là. Tu t'en calisses. Pas les séries, tout, il renouvelle son contrat de 2 ans. Quand t'es les Maple Leafs, là, pis tout se passe à Toronto, pis tout est là. Gars, tu rachètes. Bon, tu restes tous les trophées. Bon, tu re-signes Therrien l'année prochaine. Ben, c'est sûr. Ben oui, Therrien, Fire Therrien. C'est sûr, ben là, ouais. Hey, Subban, pour un gars qui a été, selon FireTherrien.com, qui a été castré, qui a été, maltraité là, par Therrien, là, je trouve que c'est un gars qui se comporte assez bien. Ouais, c'est vrai que ça y aurait un coach genre-là. À moins qu'il a pogné le syndrome de Stockholm, style là, pis qu'il adore son bourreau, là, mais... Je sais pas, Chris, il a l'air heureux, le gars, là. Fait que la game est finie, la seule affaire qui me reste, c'est les nominations pour les trophées qui ont été dévoilées cette semaine. Trophée Norris, Shea Weber, Duncan Keith, et Zdeno Chara. Duncan Keith, man. Un des défenseurs que je préfère dans la ligue, Duncan Keith. Il était cœur en défenseur. Duncan. Il était cœur en attaque, il était cœur en défense, man. J'adore. Mention spéciale à Brent Seabrook, par exemple. Brent Seabrook est bon, mais Duncan Keith. Il a joué cochon et tout. Ouais, mais c'est pour ça que j'en ai un peu et tout. Chara, c'est un gros singe. Il l'a toasté. Il l'a toasté. Check. Mm-hmm. Le trophée Masterton, Malhotra, Moore et Jagger. Non, moi je vais y aller avec Moore parce que lui, t'as Moore, une sa femme. Histoire. Sa femme est morte. Ouais, yes, ouais. Sérieusement, c'est fucking deep. Il est revenu. Moore, c'est Dominic Moore, lui, qui était dans les Canadiens. Sa femme est morte du cancer. Sa femme était belle en tabarnak. Elle est morte du cancer puis il est revenu jouer. Il a pris 6 mois de pause. Il a pris 6 mois de pause. Il a signé un contrat genre d'un an avec les Rangers puis il est revenu jouer. Puis Malhotra, lui, dans le fond, il est revenu une grosse blessure. Je me souviens plus c'est quoi, mais c'est comme. C'est un beau fait d'armes aussi, mais je veux dire, c'est pas... Ouais, peut-être moins... Mais oui, moi, sérieusement, ça vient chercher. Le trophée Hart, maintenant. Giroux, Getzlaff et Crosby. Crosby. La saison, Crosby. Crosby. Je sais pas qu'on bat. Crosby, mais 104 points. Ouais, c'est faudrait Crosby. Faudrait dire aussi c'est quoi les significations des trophées. Norris, meilleur défenseur. Masterton, c'est le joueur qui démontre la combativité. Là, c'est, ouais, c'est ça. Le gars qui a comme vécu comme une grosse épreuve et qui revient fort de ça et qui démontre beaucoup de Pacioretty l'avait gagné une couple d'années quand il s'était fait plaquer par Sharon. Puis le Hart, maintenant, c'est... Joueur plus utile. Le plus utile, ouais. À son équipe. Mais c'est bizarre. Là, c'est sûr, on parle en saison régulière, mais Crosby qui a En série, ça compte pas. Je sais. On s'entend que c'est comment où est Crosby, où es-tu? Comment il est checké, Crosby, en playoff, par exemple? Ouais, il est checké. Il est marqué, il est checké, mais moi, je pense qu'il est blessé. Mais avec le talent qu'il a... Pour on dit ça, là, mais... Tu sais, dans les séries, ce gars-là, ou même dans les compétitions internationales, il fait pas grand. Sauf quand ça compte vraiment. Sa pression, tu sais, je veux dire, c'est vrai, pas pareil, tu sais. Non, mais il nous a donné la médaille d'or. Ouais, ouais, un but de tabarnak, man. Mais il a gagné, il a compté deux buts pour les médailles d'or. Ouais, c'est, mais tu sais, le premier c'est un flou goal. Non, mais c'est quoi, juste de l'avoir. Il savait pas qu'il avait scoré. Juste de savoir que Crosby. Non, mais malgré qu'il score pas, j'ai regardé des games des Pingouins un peu, malgré le fait qu'il score pas. Ah, il est là, il fait la puck se rend tout le temps sur une palette. Ouais. Il fait jamais de mauvais plays. Il mérite le heart. Ouais, ouais, ouais, oui, oui, oui. C'est quoi le prochain, le trophée de la NHL Foundation. Je suis pas sûr c'est quoi qui est exactement celui-là. Ouais, celui qui fait la plus grosse fondation. Celui qui donne le plus d'argent, sûrement. Je sais pas, là, mais les dominés sont Burns, Keith et pas Bergeron. Pas le plus d'argent, mais qui s'implique le plus, probablement. C'est-tu Pat Burns? Moi, je disais Boo Earns. C'est quoi les noms? Burns, Keith et Bergeron. Je connais pas leur implication. Non plus. Pas tant que ça. Ouais, je vais dire Duncan Keith parce on va dire Bergeron. On va dire Boo Earns. Ouais, Bergeron, ouais, j'aime bien Bergeron. Ouais. L'avant-dernier. Mais c'est un joueur des Bruins. Ouais, Chris, c'est quoi, vous aimez Bergeron? C'est le seul joueur des Bruins que j'aime. Ah, Chris. Êtes-vous bandé Bergeron? Chéré, man. Si vous êtes bandé, toi. Il est bon, je le prendrai n'importe quand. Parlant de superstition sur Bergeron, avez-vous vu Infoman? Infoman a donné une roulette de tape chanceuse qui avait été par comme les Olympiques. Là. Les Olympiques, il l'a donné à Bergeron, puis il a dit « Ramène-la pas pour ton team après », puis là, whoop, on pense qu'il l'a ramené pour son team. Hmm. Oh ouais. Hostie, Jean-René Dufort, on te call out. GF, GF en quête. Ouais. Ouais, c'est cool. Non, non, j'écoute juste Infoman, c'est tout. Okay. Ben là, ça fait longtemps, cet Infoman-là. Jean-René Dufort, ouais, peux-tu venir s'expliquer à ce moment du podcast? S'il vous plaît. Bon, peux-tu le... Oui, donc, Jean-René. Tag-les. On te taguait sur l'épisode. T'écouteras une heure et demie de show, puis tu viendras après ça. Le trophée Ted Lindsay. Ted Lindsay, je suis pas sûr, c'est quoi? Ce trophée-là, déjà? Attends un peu. Attends, on va voir pendant que... Pendant que je vous dis les nominés. Les nommés sont Crosby, Getzlaf. Ah, mais c'est pas les joueurs qui ont juste une gosse, hein? Ah, je m'en rappelle. Parce que Ted Lindsay avait juste une gosse, moi. Non, Kessel. Phil Kessel, le jeune gosse? Ouais, lui, ah, ouais. Lui, il a pogné un cancer. Ok, parce qu'avant, c'était le Lester B. Person, c'est pour ça. Ah. C'est le remis au meilleur joueur. LBP. Meilleur joueur. Ah! Ah, ok. Ah! Meilleur joueur de quoi, Chris? Au meilleur joueur. au meilleur joueur de hockey choisi par les. Ah, les joueurs! Ok, c'est ça. C'est choisi par les joueurs. Par l'association c'est des quoi, joueurs. Les ouais, c'est ça. Crosby, Getzlaf, Giroux. Giroux. Crosby. Ben, ouais. C'est sûr, c'est Crosby. Mais Crosby, en même temps, tout le monde l'a eu. Fait que si c'est voté par les joueurs, j'aurais plus l'impression que ça va être Giroux. Choisis pas en fonction de qui que t'aimes ou pas. Choisis en fonction, c'est qui le meilleur joueur, man. 104 points. Voté par les joueurs. c'est pas compliqué, là. Et le dernier, mais non le moindre, le trophée Jack Adams remis à l'entraîneur de l'année. Les choix sont Mike Babcock, John Cooper et Patrick Roy. Ah, Patrick Roy. Hands down, Patrick Roy. Patrick Roy. Qu'est-ce que John Cooper fait là? Honnêtement, les autres sont figurants. Puis Babcock, je peux comprendre. Heureusement, il n'est pas dans une bonne année pour lui parce qu'il pourrait le mériter de le gagner, ce gars-là. Mais il n'est pas d'une bonne année. Qu'est-ce que John Cooper parce fait que là? C'est... Roy va le gagner. Mais les mêmes raisons que pour l'Avalanche. Check où ce que le Lightning a fini l'année passée, puis check où ce qu'a fini cette année. Mais il est juste terminé parce qu'il avait son meilleur joueur blessé, puis ils ont réussi à faire série. Non, Trudy Saint-Louis, puis. Ah non, mais un hostie goaler et tout. Ouais, là. En fait, à la fin d'année, Trudy Saint-Louis. Non, t'oublies Bishop. Il avait déjà fait les séries. Non, sérieusement, pourquoi pas? Mais il n'y a pas de coaching. Mais il y a des coachs qui auraient mis tout les coachs. Il ne donnera pas ça. Je veux dire, Babcock, je veux dire, c'est comme. Lui, c'est le favori Babcock parce que Babcock, c'est tout le monde Scott, dit comment c'est le meilleur, bon, c'est le meilleur coach le de la Ligue nationale. Le coach des Sands, pas des Sands, le coach des San Jose. Ouais, mais c'est parce que San Jose, ça fait longtemps qu'il est là. Même à la limite, coach Julien, les Blues à 117 points. C'est un des meilleurs coachs en Ligue, le coach de San Jose. Ben oui, puis la même affaire pour Babcock. Puis Babcock est là parce que. Un team autogéré. C'est sa première année, t'as marre. Les Blues, je pense que. Patrick Roy et tout, mais tu sais. Ben oui. Patrick Roy, il n'y a pas de défense qui a réussi à faire ça. Cooper, c'est la même affaire. Puis Varlamov, c'est un gros point d'interrogation, puis ils ont réussi à l'amener là, puis c'était le gardien qui a eu le plus de victoires cette année. Bishop, tout le monde s'attendait pour dire... C'est man, Varlamov. Mais c'est ça, mais Bishop, tout le monde s'attendait pour dire que c'était pour être un bon gardien de but, anyway. Fait que je pense pas que c'est autant... Non, je pense pas que le Lightning est autant de surprise que l'Avalanche. Non. C'est un gars qui n'a pas réussi à s'adapter pendant les séries. Bishop, c'est un goaler surprise. C'était le deuxième goaler d'Ottawa quand Anderson s'est blessé. Puis il a bien fait là, puis c'est un gros Chris de guest, ouais, un deuxième goaler. C'est juste amené, côté coaching. Amené, si on regarde juste ce côté coaching, il n'a même pas été capable de s'adapter pendant la série. Si t'as pas bien, pas fait deux rondes de série, c'est à cause que Bishop t'es pas là. That's it. Fait que c'est pas à cause du coaching. C'est à, je veux dire, son coaching ability, il n'a pas été capable de s'ajuster pendant la série, ce gars-là. Mais Où, ben, où ça tu, prend un joueur absolument sans être pas capable. Où tu donnes le coaching ability pour gagner. Il aurait pu mettre l'autre goaler qu'il a bien goalé pendant toi. Ah, il a dû se réveiller avant. Le coach, c'est un instrument. Le coach, c'est un instrument, là. C'est un instrument là, qui fait partie d'un tout. Là. C'est toi je qui mets la confiance sur tes joueurs. Il aurait dû changer goaler. Ah, mais Babcock, il est considéré comme un des meilleurs. Est-ce que son team s'est rendu plus loin pour autant? Non. Non, mais là, si on prend la même logique, c'est pas l'affaire du coach qui change un team. Après ça, Datsuk a été blessé. Mais c'est une vieille équipe. Les Red Wings sont finis. Là. C'est du garbage. Là. Ils n'ont plus rien. Là. Sérieusement, ils sont tous vieillissants. Là. Ça s'en va là, en ruine. Claude Julien n'est pas là malgré que les Bruins ont défoncé les points cette année. Là, ouais, 117, mais les Bruins, je pense. Mais les Bruins, est-ce que sont une équipe autogérée à cette heure? N'importe quel coach là-dedans. Là, Mac, tu mets n'importe quel coach. Sérieusement, tu es capable de les driver. C'est une équipe bâtie pour tout. C'est l'équipe bâtie dans l'Est. C'est la meilleure équipe côté. Structure. Ils sont balancés. Ils sont trop bien balancés. Regarde, les Bruins, c'est I must break you. C'est Chris. If he dies, he dies. T'as va, Ivan. Ivan Drago. Sur ce, Ivan Drago. Ben ouais, ça Drago. Fait le tour de l'épisode 13 de la soirée du podcast. T'as va, Ivan. Suivez-nous sur Twitter. He's not a man. Sur Twitter, at Soirée du Podcast. Sur Facebook, La Soirée du Podcast. On est également sur iTunes, RZO et Stitcher. Bon, on espère que le Canadien va battre les Bruins parce que sinon, le prochain épisode sera le post-mortem de la saison. Moi aussi, j'ai confiance. Fait qu'on dépend du résultat des Canadiens. Mettez vos chapelas. On est dans un 2 de 3. Samedi demain, avec c'est l'avantage de la gasse à Boston. Fait que là, vos prédictions sont 2-3. Let's go, Alex. Vas-y. Ah, 2 victoires sur le Canadien. Boum, boum. Moi, ça, je suis en 6. Canadien en 6, moi aussi. Un jab direct. Bang, bang. Wow. Bang, bang. Demain, on coupe les jambes. Demain, on coupe les jambes à la maison puis on finit ça à Montréal. Moi, c'est un jab suivi d'un crochet, man. Boum! Puis il couche. Un petit dardage d'un couille. Ouais. Ça va être Lucic. Moi, je vais dire... Il y en a eu un direct qui a un coup au foie. De marchand. Ah, moi, je vais dire mon cœur en 6, ma tête en 7, Canadien pareil. Ok, avec Canadien confiance. Dans les deux cas, toi? Ouais. Tabarnak, toi, t'es confiant. Ah, moi, ça. Je la veux, là, cette année. Là. Je la veux. Donnez-nous la. Moi, je veux que le Canadien gagne. Je pense que le Canadien. On mérite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas battu. Dave, je te check avec ton chandail des Canadiens. J'imagine bien que tu veux que le Canadien gagne, aussi. Non, mais c'est pas ça. Ça fait une couple d'années que le Canadien, dans le match 6. Il se fait battre par les Bruins dans la série. Ben, faut dire, les Bruins, c'est pour le vrai. Ils ont meilleure équipe que le Canadien, mais on a une chance de gagner. Ouais, sur papier. C'est pas fini, c'est 2-2. C'est pas terminé. On est l'équipe qui peut battre les Bruins. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est la seule sérieusement, ouais, je pense que s'il y avait une équipe dans l'Est qui peut battre les Bruins, c'est vraiment nous autres. Ouais. Là, fait que, c'est ben, bizarre à dire en même temps, mais c'est ça pareil. On espère fortement que le Canadien va gagner. Question qu'on peut se faire. Toi, GF, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, moi, dit. En 7 ou en 6. Ben, sa tête 7, son cœur 6. Fait que c'est ça. Hey, j'ai quand même une dualité ça? Tête moi, et cœur. Mon cœur 6, ma tête 6, ouais, mes six, gosses 6. Hein. Moi, je vais juste avec mon cœur. T'es pas bandé Canadien, toi, par hasard. Ouais. Oui. Je te regarde avec ton drapeau, là, puis ton chandail du CH. Ton fanion. On va flatter mon jersey. On vous rappelle tous de frotter votre jersey en partie. Non, c'est pas ça, c'est à la Dale Weiss. Ouais. Ben, c'est concurrencé. C'était pour narguer. Une flèche aux Bruins. Puis il y a du monde qui ont critiqué ça. C'est comme, hey, come on. Asti, qui sont tes pads, tu peux pas critiquer ça, man. Tu frappes. Si tu frappes le crest. Galchenyuk, il l'avait fait dans la saison régulière. Il avait donné un coup, puis il avait pogné, puis il avait donné un bec. Mm-hmm. Fait que c'est quoi le rapport? On s'en casse. Hey, Galchenyuk, on n'a pas parlé. Là, ben, pour il est vrai, blessé. Je sais qu'il est blessé, mais là, Mark, est-ce que si Galchenyuk revenait, qu'est-ce que ça ferait sérieusement? C'est ça, sérieusement, je me suis posé la question dans la dernière game. J'ai fait profondément. Man, si je dis. Attends, il l'emmène pas de suite. Si Galchenyuk est là. Non, tu finis cette série-là. Parce qu'il est pas en forme. De toute façon, il est pas prêt. Ouais, tu sais, Cameron, avec deux prêts, il était brûlé bien raide. Tu le ramènes pas là quand c'est crunch time. Il est pas prêt, pas en tout. Là, c'est crunch time. C'est sûr, non, mais je veux dire, admettons, là. Maintenant qu'il est prêt, là, ben, ça te donne la profondeur. Ouais, c'est ça. Solide, puis fais-tu de quoi? On n'a pas parlé non plus de. À moins qu'on perde le prochain, puis qu'on s'en va à un match 7, là, qu'on s'en irait à un match 7. Puis là, il sera prêt, là, ben là, tu le ramènes. On n'a pas parlé de Brandon non plus. Même là, je ramène Gallagher? Prost. Non, l'autre Prost. Brandon Prost, qui est sorti. Il est blessé. Tout cassé. Ouais. Mais je le ramènerais pareil. Non, moi, j'aime vraiment pas comment il joue. Moi, il est pas capable de pogner à la porte, mais il joue tout croche. Puis j'ai lu quoi sur Twitter? En même temps, il y a pas personne que tu peux remplacer. Reste sur le banc. Sur Twitter, en plus, j'ai lu. White, non, White, ton tête folle. Il fait rien. Trop d'être folle, White. Le très crédible JC Lajoie, là, qui disait que Prost, il fume des clopes à côté, ce gars-là, puis il disait, n'est pas Flower qui veut light, là. Fait que faudrait qu'il arrête de fumer, Prost, ça a l'air. Really? Bon. Ça, ça vient de Jean-Charles Lajoie qui commence. Le quote en gros. Jean-Charles. Madame la Marquise. Madame la Marquise. Lui, il a tout perdu ses jobs. Il est d'ailleurs comme rendu genre chroniqueur sportif parce qu'il a participé à un concours. Je pense que c'est genre Lemay qui avait gagné. Non, mais il est plus là. Puis Martin Lemay. Il fait comme genre la taverne. C'était Sport Academy que ça s'appelait. Ouais, ben, ouais, vois, ça a fait du garbage en tout cas. Whatever. Présentement, il fait une affaire qui s'appelle La Taverne où ce qu'il reçoit des calls. Je sais pas trop. Ça a l'air comme la soirée du podcast, mais en plus de chier. Mais ça, c'est quoi? Ça passe sur. Mais il y avait une émission, lui, il passait sur la Radio Poubelle de Québec. Là, qui venait Radio Montréal, X. Là. Radio X. Ah ouais, ben, lui, il y avait plus, un show. Il est là. Plus sur Radio X, on veut. Ah, il est plus sur Radio X. Il n'y a plus personne qui veut. Il fait son affaire. Même à la soirée du podcast, on veut pas. Mais moi, je l'écoutais quand. C'est cassé sport. Dans le temps, là, il était c'était correct son show là. Ah, ouais, mais... il y avait tout le temps sa braquette d'auditeur. Il y avait Luc qui appelait. Il y avait toujours sa braquette ouverte. Louis. Louis. C'est Luc. Bonjour Luc. Ah oui. Allô, j'ai ici, je crois que c'est. Hey, son quiz là, c'était malade là pour vrai. Non, il avait fait un bon show, mais en tout cas. C'est un loser geek, c'est le plateau est jaune. C'est le seul gars qui a fait des passes de John McClane, genre, là, de, pendant son show de radio. Genre, t'as dit à la radio. C'était drôle. Des passes de quoi? De John McClane. De ah, c'est Die Hard, man, c'est trop qu'est-ce malade. Qu'est-ce que tu faisais? Genre, vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Il collait ça en ongles, là, man. Okay, c'est faut, comme... faut que tu mettes des sons de ça, man, dans ton bol. Ici, man. Ben, fait que sur ça, on vous souhaite une bonne fin de série Canadiens Bruins et on se revoit. Ça parle à la fin de la série. Qu'on gagne ou qu'on perde, on va se revoir pour l'épisode 14. Que ce soit la dernière ou soit un post-mortem ou l'avant-dernière. On parle de... Puis d'ici ce temps-là, peut-être qu'on va avoir une décapitation de Murray aussi qui va planter. Ou sinon, on continue et on continue. De 5 heures, c'est peut-être que le rouleau compresseur va nous écraser un solide, genre, mettons, je sais pas, bras de marche. Luchy. Asti, j'attends rien qu'il pince, pour vrai. Bon, okay. On va chanter comme à Buffalo, à Boston, genre, flow. Flopper, flopper, flopper. Pendant qu'il laissait des shakes à la glace. quand il avait blessé, man, il a blessé, c'est quoi, Mason Raymond de Vancouver. Il avait des convulsions. Il avait plié en deux, il avait comme, il avait trois vertèbres de pété, puis tout, puis il shakeait. Ça, flopper. Ah. Le flopper, flopper, toute la foule. Ah, les fans de Boston, la grande classe, comme toujours. C'est une vidéo que j'ai mise sur Facebook, man, puis là, c'est John Stewart, t'es comme... Parce qu'il disait, parce que quand Sharon mangeait une poque dans la face à Montréal, on a cheeré, tu sais. Les canettes, ça avait été voir, il avait dégagé. C'est une bonne guerre, ça. Puis on avait cheeré, puis Marchand dit, this fucking classless, a Boston, Boston fans would never do that. Puis tu vois John Stewart, il fait, really? Puis il monte ça, puis après ça, tout le monde qui crie. Ah oui, je l'ai vu, ça. Okay, ouais, j'ai pas vu. Mais c'est malade, cette vidéo-là. Ouais. Mais c'est long, ça, ouais, man. Il y a plein d'affaires qui montent par rapport à ça. Il montre des affaires de Claude Julien qui, genre, qui dit que son équipe, genre, est le embellishment. Oh, ouais, c'est fou. Allez voir ça, je l'ai posté, mais... C'est sur notre Facebook podcast. Allez voir ça. 23 minutes, puis c'est drôle. Allez, ouais, ne riez jamais de quelqu'un qui fait des convulsions sur une patinoire. Non, vraiment pas. Sauf si c'est Marchand. Sauf si c'est Marchand ou Luch. Surtout si c'est le rouleau. Non, mais sérieusement, là, j'attends juste que Murray, Chris, Marchand, solidement dans Marchand, il est dur à pincer. C'est le joueur que là. Je déteste le plus dans les Bruins. Puis c'est quoi, il est dur à pincer. Je l'ai, man. Moi, je joue contre, j'aime pas Marchand Luchik. Marchand Luchik, j'ai ça joué contre. Non, mais je le veux dans mon équipe, mais j'aime pas jouer contre. Mais Marchand, je l'aime pas. Point. Ah ouais, moi, pas que je le veux pas dans, je le veux dans mon équipe, je l'aime pas. Je l'aime pas à face, j'aime pas son attitude. T'as un mangeu de bobette, esti, il y a une face de sang tout. Il mange des snelles là. Ah merde, des snelles. Bon, on va se laisser là-dessus. Ouais, on va se laisser Marchand, c'est un mangeur bobette. Ouais, voilà, bonsoir. Et ça fait le tour de l'épisode 13 de la soirée. Fait que ne cherchez pas vos Fruit of the Loom. C'est Marchand qui les a dans la gueule. Il est en train de les sniffer. C'est lui qui les a volés. Fait que... Comme le gars dans la base militaire, là. Qui s'est fait arrêter, là. Parce qu'il avait volé comme trop de bobettes. On essaie de finir le show, là. Le colonel, là. Il a comme stolé trop. Il a tué trois personnes. Colonel Caleçon. Il y avait comme Caleçon. Juste une motte de toupette dans le front en plus. Ouais. Fait qu'on finit ça sur une histoire de sniffage de bobette. Mais tellement bon. Fait que merci d'avoir été là tout le monde. Voilà. On se revoit à l'épisode 14 tout le monde. Voilà. Sniffez votre bord de chocolat. Ciao tout le monde.